Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dès ses débuts, l'œuvre de Bernard Dufour connaît un immense succès international. Mais très vite, l'artiste remet en cause l'abstraction triomphante. J'ai commencé par toute une période de peinture abstraite, et puis j'en ai eu marre à un moment de constater que dans cette peinture abstraite, il y avait quand même un substratum, une sous-couche de désir, de sensuel, de présence de femme, mais à travers des formes abstraites. Et donc, j'ai décidé de rendre tout ça très lisible et très très visible à la fin des années 50, début des années 60. Bernard Dufour quitte Paris pour s'installer dans l'Aveyron. Il peint des autoportraits et des portraits de ses proches, des nus, des corps, des visages, le sexe dans toute sa puissance et sa douleur. Son œuvre dérange. Il va de plus en plus loin dans une vision crue de l'intime. S'agit-il d'obscénité, de pornographie ? Délibérément oui, répond Dufour. Ce que je revendique, c'est la pornographie et la violence de la pornographie, et le refus, le rejet que ça suscite. La vie et l'œuvre de Dufour, dont la peinture est indissociable de son travail d'écrivain et de photographe, ont inspiré Jacques Rivette pour La Belle Noiseuse. Dans ce film, les mains de Michel Piccoli sont celles du peintre, dont les toiles et les dessins peuplent l'atelier du personnage. En 1972, c'est à un atelier radiophonique consacré à Bernard Dufour que nous conviait René Farabé. Entre l'Aveyron et Paris, on y croise Claude Ollier, Michel Butor, Pierre Guyotat, Denis Roche, Maurice Roche, Philippe Solers et Bernard Técèdre. Ce qui va suivre tend à être une démonstration, à démontrer par l'absurde éventuellement l'impossibilité du travail dans la solitude. Solitude instaurée par coupure privative de l'autre, la femme, et des autres, la politique. Il ne peut y avoir solitude que s'il n'y a pas travail. Saint-Antoine est seul. De Jérôme Bosch, deux tentations de Saint-Antoine. Premièrement au Prado, Madrid, deuxièmement Lisbonne. Premièrement au Prado. Saint-Antoine est assis au bord d'un étang, dans le creux d'un vieil arbre, aménagé en hutte, recouvert d'une botte de paille étalée. Paysage rural réaliste, à part une construction bizarre, flanquée d'une chaumière. On y accède par un pont sur un ruisseau. Dans le paysage, dans le jardin, aux abords immédiats de Saint-Antoine, des créatures diaboliques. À côté de lui, un porc attaqué par une créature monstrueuse. Saint-Antoine ne regarde rien. Deuxièmement, à Lisbonne, triptyque, deux volets à revers en grisaille. Il y a là quatre figurations de Saint-Antoine. Saint-Antoine dans les airs, Saint-Antoine évanoui soutenu par deux religieux et un homme, Saint-Antoine en pleine démonologie agenouillé, Saint-Antoine assis, un livre à la main, il ne le lit pas. Sur ces cinq figurations de Saint-Antoine, certaines ont un regard, il ne regarde pas, il voit, il sait, d'autres n'ont pas de regard. Saint-Antoine prie, est en extase, c'est-à-dire jouit, transport dans les airs. Saint-Antoine évanoui après la jouissance. ORTF, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, Dufour au fur et à mesure. Par Bernard Dufour, René Farabet, Claude Ollier. Assisté de Janine Antoine, Janine Groléas, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, René Foissac, Robert Jourda, Nelly Laya. Mas de Pradier, Aveyron, Grotte du Pêche-Merle, Lot, rue Traversière, Paris 12. Avec Michel Butor, Pierre Guyotat, Denis Roche, Maurice Roche, Philippe Solers, Bernard Técèdre. Texte lu par Olga Bernal, Martine Dufour, Florence Malzard. Citation. Antonin Artaud, Paul Gauguin, Mao Tse-tung, Jules Michelet, Frédéric Nietzsche. Dufour, au fur et à mesure. Voilà, nous regardons là un tableau, une reproduction de tableau de 1959, appartenant à une série intitulée « Peinture sans titre ». Peinture sans titre, ça veut dire... ça se rapproche de l'abstraction, j'imagine. Ce qui est frappant pour moi, c'est l'opposition des formes sur la droite, de formes arrondies et très sombres, qui viennent se buter contre une grande forme allongée, un peu sinueuse, dans les gris plus clairs. Il y a là comme une espèce d'opposition et de... Il y a des éléments très simples dans ce tableau. Il y a une grande bande allongée. À gauche, il y a dans la partie verticale... Une bande sinueuse. Dans le cinquième du tableau à gauche, une grande bande torsadée, sinueuse, grise. Pas torsadée du tout. Mais légèrement ondulante. Ondulante, oui. Bon. Ensuite, et au centre, il y a... Un cercle. Qui est une leçon de choses. Pour moi, il y a un cercle qui est coupé par une verticale. La partie gauche du cercle est blanche, enfin, en tout cas dans la reproduction, et noire sur la droite, ce qui est encore une opposition. Au-dessus... Il y a aussi des formes arrondies qui s'enchevêtrent les unes dans les autres, qui donnent une impression de mouvement en tout cas. On pourrait même envisager qu'il y a une tête. Ah oui, on découvre un œil tout d'un coup. En haut à droite. Et tout d'un coup, cette tache de 59 se met à ressembler à une de mes têtes de 72. Oui. De toute façon, toutes ces formes arrondies sont coupées par des verticales ou des obliques. Ce qui donne l'impression pour moi, de combat, en tout cas. Je veux dire, c'est pas du tout quelque chose de lié, c'est quelque chose de fissuré. On sent les oppositions des gris, des gris jusqu'au blanc et des noirs. Les noirs sont très très violents et prennent le centre du tableau. Puis petit à petit, naturellement, je vois une femme, mais c'est parce que je connais Bernard et je connais sa peinture. Alors ça n'a pas de rapport avec la description de ce tableau. Toi, tu vois quoi ? Est-ce que ça te donne l'impression d'être un objet vu en trompe-l'œil ? Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être une nature morte ou quelque chose comme ça dans un espace fictif ? Non, pas pour moi. Pas du tout. Hein, non, pas du tout. Bon. C'est plutôt une succession d'oppositions, en fait. Bon, alors, moi, je vais vous signaler tout de même que ce tableau, si je me reporte à ma biographie de travail de 59... 59, c'est l'époque de ce tableau, début de gravure à l'eau forte, fin de l'abstraction et début de gravure à l'eau forte, et pour les tableaux, dernier tableau abstrait, série femme et homme, forme sexuelle, femme, série, c'est à une de ces séries qui appartient au tableau en question, forme sexuelle, peuplements et miroirs, tout quand, ça, alors ça vient, c'est tout de suite avant les séries des tableaux, peuplements et miroirs, toucan, empereur, striche, de la vase, figure, c'est-à-dire c'est juste avant l'apparition de la figure. Et quand tu dis, Martine, que tu perçois une femme dans ce tableau, il y a des formes sexuelles, il y a effectivement cette tête. C'est tout juste l'époque avant le peuplement de la figure, de la peinture. Et tu dis que tu reconnais là des femmes parce que tu connais ma peinture. Et en fait, tout ce que tu décris là, toute cette, le côté fissuré, la femme, la tête, est hier, effectivement. Comment est-ce que tu expliques la partie de gauche? Est-ce que c'est un symbole sexuel masculin ou pas? Ou c'est simplement pour que la forme arrondie bute? C'est pour buter la forme, venir la coincer sur cette zone grise. Et j'aimerais bien que Claude lise sa description. J'ai intitulé ça « Lecture pour tous ». Cette longue traînée plane, légèrement ondulée, torsadée, qui s'étire de haut en bas de la toile comme pour contenir l'espace peint, à l'intérieur de cet espace, pourtant, est-ce la voie d'accès ou d'évitement? À se laisser tirer par elle, le regard passe en limite du tableau sur la clôture mitoyenne et, pressentant la zone plus stricte à droite, capte au hasard un trait sombre en tangente proche, entreaperçoit un conflit d'objets, des angles noirs, un volume noir ou trapèze et quelques lancers d'aiguilles dont l'un, courbe, perçant un cercle, fait irruption dans le champ blanc au-delà. Il s'y coule à perte de vue filiforme. Mais est-ce l'effet de l'éloignement déjà? Car l'œil, entraîné de biais par l'étirement sinusoïdal, le long de cette berge ou amas d'alluvions, perd le contrôle du trait initial, de la figure entrevue qui se défait à mesure, et glisse, outrepasse les bornes, poursuit sa course ailleurs, en haut ou en bas, et rien n'est dit de ce temps pour rien par manque de repères, retrouve soudain par chance le sillon de torsade et rentre à plat sur la toile. La zone stricte, il la voit à gauche maintenant, plutôt plane, et mesure le terrain vague où seul il a accès encore, terrain flou, inorganisé, lâche, fluide, mou, et éprouvant la lisière plus dense à gauche, il s'était d'un point sombre, franchit la limite et fait son parcours de ce liseré au bord parallèle où il vient de pénétrer. Premier trait peu accentué, frange en bordure du flou, second trait plus ferme. File donc un instant en surface du liseré, mais l'élan est donné et c'est bientôt l'effraction. L'entrée dans la zone stricte où le voile noir tangent à la frontière le lance dans le jeu des trois cercles qu'il distingue parfaitement à présent, qu'il détaille en s'attardant dans leurs intersections. Moment d'une lutte inachevée sur le fond clair dont le liseré à gauche apparaît désormais comme le bord se déroulant d'un parchemin en train de recouvrir irrésistiblement le fond à couler sombre, antérieur, en voie d'effacement, où il n'est resté que trop longtemps à hésiter, frappé d'expulsion. Et voici qu'il tourne, épousant le piège du dessin, s'imprégnant lentement de couleurs. Mât de Pradier, Aveyron. Passeremo dans le coucher toi. Mais qui arrive là-tu? Ven. Un petit? Un lézard vert? Mais j'ai entendu une fois qu'il y avait une jeune fille qui gardait le mouton. Et tous les jours, ce lézard, venez la voir. Vous allez le goûter. Alors, je vais vous donner des miettes de pain. Et vous mangez le pain. Mais un jour, qu'elle n'a pas eu de pain, elle s'est arrêtée toujours là. Elle a voulu, avec le bâton, le faire partir. Et le lézard lui est sauté ici, à la joue. Il s'est accroché, là, tellement qu'il a fallu qu'on lui coupe la joue pour porter le lézard. Monsieur Rabin, comment vous avez, là ? Argouille, y aille, parce que c'est Monsieur Rabin qui a fait l'argouille. Alors, il avait une chèvre. Et seulement, il s'est aperçu que il y avait des jours qu'elle n'avait pas de lait le soir. Que le soir, elle n'avait pas de lait. C'était un serpent qui l'a tété. Et de le posséder. Le chef, dans une guerre révolutionnaire, est obligé d'étudier les lois de la guerre révolutionnaire et de le posséder. Le chef, dans la guerre révolutionnaire en Chine, est obligé d'étudier les lois de la guerre révolutionnaire en Chine. Hey. Je regarde ce grand tableau que tu as fait là, en bleu, en vert, en jaune, en rouge, 1962-1972. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un résumé, c'est un schéma de ta vie ces 10 dernières années ? C'est un schéma biographique. Un schéma biographique qui comprend en somme les 10 années que tu as passées ici, depuis le moment où tu t'es installé en Pradier. J'ai acheté la maison en 62, on avait trouvé cette maison avec Martine. Et j'avais été très frappé ici par le côté complètement antique du paysage. Et le côté antique, je veux dire pas du tout antiquité grecque, mais le côté vraiment moyenâgeux, vieille civilisation et vieille trace de civilisation. Et je dois dire qu'en 62 correspond vraiment à une période de crise dans la peinture. Il est intéressant de constater qu'il y a une substitution du travail de la peinture par l'acquisition d'une maison et l'installation d'une maison et l'espèce de création d'un nouveau lieu de travail, d'un nouveau lieu de vie. Parce que je ne savais pas si ça allait être un lieu de travail réellement. Et pourquoi à ce moment-là, l'univers pictural que tu t'étais créé éclatait ou se contractait au contraire ou quoi ? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Tu sais, cette nécessité d'émigrer en quelque sorte. 61, ça avait été l'époque de cette amorce de la figuration dans mon travail qui était marquée par la période de ce que j'ai appelé les peintures et dessins vénitiens, qui avait été exposé chez Pierre Le Bailly et Pierre en 1961. Et dès ce moment-là, ce passage à la figuration avait entraîné chez moi des difficultés telles de travail que j'étais dans un très très mauvais état et par rapport à ce travail. Et la découverte du Pradier, l'installation du Pradier, a été une espèce de travail parallèle qui m'éloignait de la peinture et qui me permettait de résoudre, de passer sur cette crise. Mais tu penserais vraiment que c'était le cloisonnement ou cette façon d'être enfermé à Paris, d'être... Non, mon travail était bloqué par moi, par moi-même. Les difficultés de mon travail devant la figuration étaient telles que dans une espèce de fuite, j'ai quitté tout ce qui n'allait plus, tu comprends. Même si en 64 j'ai exposé à la Biennale de Venise, tout était à ce moment-là bloqué à l'intérieur de moi. Et donc 62 m'apparaît maintenant, 10 ans après, vraiment comme une fuite en avant, la fuite de Paris, mais surtout la fuite devant un travail qui ne se fait plus, et le Pradier vraiment comme un espèce de substitut au travail, même si j'ai travaillé au Pradier. Et c'est à un point tel que ce qui m'a intéressé dans le Pradier, c'était la rupture, non seulement avec Paris, mais la rupture avec tout le monde moderne. Et ce qui me fascinait dans le paysage du Pradier, c'était les vieilles pierres, c'était les dolmens, c'était les cabanes, c'était toute la civilisation des bergers, donc une chose complètement dépassée, complètement périmée, complètement anéantie dans le temps, et dont il subsistait ces traces de pierre. Et quand je me suis installé ici, ce que j'ai trouvé ici, c'est une vie complètement d'un autre âge, du 18e ou du 19e siècle. Il y a des pièces dans la maison n'étaient pas installées à l'électricité, c'est là que j'ai installé mes endroits de vie et de travail privilégiés, et c'est là que je me suis installé. Par une espèce de réaction, mais une réaction due à un état de crise. D'ailleurs, c'est une chose... Finalement, j'ai souvent pensé à cette rupture aux environs de la quarantaine. 62, en plus, j'avais 40 ans, 62. Et j'ai constaté, je me suis souvent intéressé à ce problème de crise de travail, chez des peintres ou chez des écrivains, et il y a souvent cette rupture. Et souvent, cette rupture, cette crise est accompagnée de l'acquisition d'une maison, de la fabrication d'une maison. Et j'en parlais il y a un an avec Rob Grillet dans sa maison, et lui considère absolument qu'il n'y a aucune différence entre son travail de jardinier et son travail d'écrivain, que c'est la même création qui se produit. Seulement, il se trouve qu'effectivement, nous créons une maison ou un jardin au moment où notre travail ne marche pas. Et à partir du moment où le travail remarche, on fout le camp. La même chose chez Robert Müller. Il a créé une maison, il a inventé une maison au moment où plus rien ne marchait pour lui. Oui, là, je comprends bien, mais ça a quand même un aspect très paradoxal, ce que tu dis. En quelque sorte, pour cette fuite en avant, pour trouver un nouveau lieu, un nouvel espace de création, a abouti à un retour dans le passé du terroir où tu t'es établi. Et ce sont les éléments retrouvés de ce terroir et de la vie des gens qui avaient occupé cette maison 150 ans auparavant, qui en quelque sorte relançait chez toi l'impulsion créatrice. Oh, ça n'a pas du tout relancé. J'ai connu cette crise pendant des années et des années de travail. Et je n'ai rien montré. Bon, la dernière chose, c'est 64 à Venise, qui était une très très mauvaise exposition parce que j'ai exposé de très mauvais tableaux du plein de cette crise. Mais cette crise de travail a duré jusqu'en 67-68. Mais tu as quand même fait quelque chose pendant tout ce temps-là. J'ai travaillé, mais c'était des tableaux complètement... C'était un travail complètement tourné vers le passé et complètement académique. Il se trouve, comme par hasard, que le travail que j'ai fait à ce moment-là était un travail académique. Le problème que j'avais devant la figuration, devant l'invention de la figuration que je ne résolvais ni par des méthodes du buffettiste, ni par les méthodes du groupe Cobra, par exemple, et je voulais que ce soit de la figuration, et... Le retour au passé du Pradier s'est accompagné, dans un mouvement parallèle, d'un retour au passé de la peinture. Et donc, je travaillais, mais sans aucune invention. Bon, mais alors, dans quelle mesure les éléments figuratifs de ce passé que tu vas trouver ici, sur place, ou les échos qu'il peut y avoir chez les gens alentour, les textes que tu as pu découvrir dans la maison même, tout autour, ont pu déterminer ces retour à l'académisme. Ils n'ont pas déterminé, ils n'ont rien du tout déterminé. C'est parce que tout mon être était tourné à la suite de ma difficulté d'invention vers le passé que dans un mouvement parallèle, je me suis tourné vers le passé du Pradier, vers la maison, vers le passé de la maison que je trouvais. Par un mouvement parallèle, l'un n'agissait pas sur l'autre, tu comprends, ou je n'ai... Ce n'est pas le 19e siècle du Pradier qui a jailli dans ma peinture, tu comprends, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement parce que j'avais un blocage complet devant la modernité, devant notre temps contemporain, que j'ai choisi cette maison isolée dans l'Aveyron, au milieu des dolmens, au milieu des morceaux de pierre, etc. Et que dans cette maison, il s'est trouvé ensuite, cette maison était vide quand je l'ai achetée, il s'est trouvé que par l'intermédiaire d'un paysan qui avait eu des résidus du Pradier, du temps de la splendeur de cette maison, qui enfin d'une splendeur très relative, c'était une maison d'un avocat d'empire, j'ai retrouvé la bibliothèque de cette maison et j'ai pris connaissance des occupants du Pradier. Et à ce moment-là, j'ai vécu une espèce d'aventure à la Henry James, si tu veux. Tu ferais comment celui-là ? Une bande d'abord. Un peu sur la rouge. Oui. Mao Tse-Tung, sur la littérature et l'art. À toi, Claude. Édition en langues étrangères, Pékin. Ça m'en fait. L'étude, octobre 1938. Il faut en finir avec le style stéréotype. Eh ben. Bon, tu le marqueras. Hein. Ça c'est nul. Bon. Ça aussi. Trop d'effet. Il faudrait peut-être aller déjeuner, non ? Ah bah bon. Je lis sur ton tableau, là, par exemple, identification aux occupants de 1810. Oui, à partir du moment où j'ai trouvé les livres, ces livres étaient... Bon, il y avait une bibliothèque de livres de classe et quelques livres dont Molière, Racine, l'Éternel Vigile, bon, et puis, très curieusement, Les Nuits de Paris de Rétif de la Bretonne dans l'édition de 1789. Et sur toutes les pages de garde de ces livres, il y avait ce livre appartient à, et j'ai eu une espèce, en plus, un des livres avait appartenu à une fille qui s'appelait Camille Serre, et cette Camille, j'ai dans des mois de solitude ici, j'ai un peu reconstitué sa vie. Le hasard m'a fait, par exemple, j'ai ouvert un jour un livre de mythologie grecque, j'ai trouvé l'histoire de Pyram. Le livre s'est ouvert sur l'histoire de Pyram et de Thisbé. Et un jour, en promenant dans le Caux, j'ai trouvé une caselle, une de ces huttes de pierre, et sur une des pierres à l'intérieur était inscrit le nom de Pyram. Il était évident que c'était la petite Camille qui avait été inscrire le nom de Pyram de sa mythologie sur ça et vécu là une espèce d'aventure imaginaire avec un imaginaire Thisbé. Bon, il se trouve que j'ai lu dans un autre livre d'histoire toute une espèce de petite anecdote d'énigmes amoureuses de la même Camille, si bien que je vivais dans une espèce de maison hantée, tu comprends. C'était vraiment la propulsion dans le passé, un espèce de retour forcené au passé. Il devait y avoir des liasses de correspondance aussi. Non, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Tu n'as pas retrouvé des lettres ou des livres de contes, ces choses qui sont toujours si étonnantes dans les romans. La seule chose qui peut être une lettre... C'est pas une lettre d'ailleurs, c'est sur la page de garde de l'histoire d'Angleterre, de l'histoire abrégée d'Angleterre. Alors il est écrit Camille Serre, le 21 janvier 1848. Et en dessous d'une écriture très fine et un peu délavée, il est écrit le 6 juillet a été un jour d'épreuve pour moi. Et malgré cela, j'ai bien ri avec eux la Lifresse. Je suis sorti ce jour-là pour. Je suis sorti ce jour-là. Chez Madame Agrèche, et il s'y est trouvé une personne qui ne me laissait passer aucune occasion de me faire dispute. Mais cela m'est bien égal. J'ai appris ce jour-là bien des choses, et c'est pour ne pas l'oublier que j'ai écrit cela. J'oubliais aussi de dire que si je m'étais trouvé à un autre endroit, j'aurais contenté une personne, mais quelle épreuve cela eût été pour moi. Et j'ai préféré ne pas y avoir été. Qui que vous soyez qui lisez ceci, pardonnez-moi, car j'écris cela sur mes genoux. 7 juillet 1848. Et un peu plus loin, le 4 janvier, un mardi, à la leçon de musique, j'ai bien ri, avec Aristide Laurence, d'une certaine chose, 1848. Et plus loin dans le livre, on trouve toutes sortes d'inscriptions. « Abat monsieur le curé, abat de la grande église, abat monsieur le curé, abat la supérieure. » Et ici, je l'ai trouvé tout à l'heure. « Petit Jules, petit Jules, petit Jules. Petit Jules, petit Jules, petit Jules, approuvé par moi. » Sur l'autre page, en dessous, on lit « Interrègne », paragraphe 3, République. Mais au crayon, on lit « Petit Jules, petit Jules. » Alors ça, c'était un des fragments de cet univers passé dont tu t'imprégnais. Et... J'étais tout à fait impressionné. je suis tombé. Oui, je trouvais cette espèce d'énigme amoureuse comme ça de jeune fille romantique ou post-romantique, tout à fait troublante. Et si tu veux, ça occupait mon imagination. De la même façon, je ramassais dans la même bibliothèque, on trouvait des exercices d'écriture, comme ça au dos. Il y en a une sur la reliure d'une grammaire française, très belle. Je ne sais plus qui elle est. Et là, on lit d'une écriture à la plume. « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et le tourment de la mort ne les tourmont de la mot, de et une succession de dés. » Alors, ainsi comme ça, il y avait une série de choses qui témoignait de cette vie et qui avait empli cette maison. Et moi, je m'étais identifié avec ça. Chine. Et alors, dans ton travail de l'époque, ça se traduisait comment ? Par des séries de dessins, par... Non, je poursuivais dans le même temps mon travail, cette recherche de figuration, de poursuite de la figure, mais sans aucun rapport avec ces histoires-là, je dois dire. En 62, je lis dans l'espèce de tableau biographique que j'ai fait pour l'exposition de Saint-Étienne, en 62, Les séries de tableaux sont Femmes nues et architecture, c'est la suite des peintures et dessins vénitiens, autoportraits composés, nus, architecture, modèles, fenêtres et miroirs. Alors 62, j'ai commencé là cet été toute une série de tableaux qui s'appelait Fenêtres et miroirs et qui était le début des autoportraits. C'est des choses que j'ai faites dans le grenier où on ira à un autre moment et c'était des grandes compositions. Quand je suis arrivé dans ce grenier, je ne savais absolument pas quoi y faire et j'ai monté là, j'ai fait une espèce de mise en scène de plusieurs miroirs qui se renvoyaient les uns dans les autres et dans, au milieu desquels j'étais. Et dans lesquels aussi apparaissaient des fenêtres, donc l'extérieur. Et j'ai fait cette série de tableaux, Fenêtres et miroirs. C'est Pollan d'ailleurs qui avait donné ce titre à cette exposition quand elle a eu lieu ensuite chez Pierre. Mais ça n'avait rien à faire avec les histoires des de Rétif de la Bretonne que je lisais par ailleurs à la bibliothèque ou avec les dictionnaires de ménagers que je lisais également à l'époque. C'est quelque chose de complètement séparé. Seulement, ce qui est important de dire, c'est que toute cette peinture de cette époque, que ce soit les fenêtres et miroirs, ou en 63, alors là, ça devient pire en pire, les autoportraits, les cavaliers nus, les nus dans des paysages, les autoportraits, les nus roses, en 64, moi et les oiseaux, les femmes nues dans des paysages, les autoportraits, les nus, en 65, les femmes routes, les tableaux ingresques, les dessins de modèles à la gouache blanche et à l'encre de Chine. En 1966, les nus, ocre rouge, les paysages, le Voum Voum. Le Voum Voum, c'était une boîte de nuit de Saint-Tropez. Les autoportraits, les nus. Tout ça, toute cette peinture a un côté complètement autobiographique, ce qui est complètement exceptionnel dans tout mon travail et n'a eu lieu que dans cette époque-là. Et c'est un travail complètement tourné, d'une part vers moi, complètement bloqué. Les autoportraits, ce sont des séries et des séries et des séries et des séries d'autoportraits. Ou Voum Voum, ce sont des tableaux complètement anecdotiques, mais autobiographiques. Tout est complètement introverti et complètement tourné vers moi. Et l'apparition dans les fenêtres, les miroirs, les jaillissements du paysage par les petites fenêtres et leur reflet dans les miroirs, c'est complètement accidentel. Ce n'est pas du tout une ouverture sur dehors, c'est un petit peu du dehors qui vient dedans. Et penses-tu que dans une certaine mesure, ce fantastique narcissisme soit dû à la solitude ? Non, non, est-ce que tu restais très longtemps ici ou est-ce que tu allais souvent à cette époque-là, je passais à peu près 6 mois ici, mais qui n'étaient pas 6 mois d'un trait, c'est-à-dire que je m'arrangeais pour que les vacances de Martine ou les vacances de Philippe les faire coïncider à des périodes médianes de mes séjours ici, et moi je venais un mois ou 15 jours avant, ou un mois, comme ça, j'arrivais ici au mois de le 1er juillet et je rentrais à Paris le 1er novembre. Je revenais à Noël, on revenait à Pâques. Il y avait beaucoup d'amis qui venaient te voir ici ? À cette époque-là, il y avait très peu de gens sont venus au début, et c'est seulement tout à fait à la fin que parmi les amis que nous connaissons, une année, en 66, Alain Jouffroy est venu, André Breton était encore là, Saint-Cirque-la-Popie, et André Breton est venu un jour avec Alain Jouffroy, c'était un 15 août 1966, Il est monté à l'atelier, il a regardé toute cette peinture, c'était des nus ocre rouge dans des paysages. Et la chose qu'il a dite ensuite, que j'ai appris plus tard, était que cette peinture était maléfique. Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading home, you're starting to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Tu ne dessinais pas du matin au soir. Qu'est-ce que tu faisais toute la journée? Dans la journée, il n'y avait pas de problème, parce que ou bien je travaillais, ou bien j'étais dans le jardin. Le grand problème, c'était les soirées. Et alors, pour les soirées, une de mes grandes occupations était la lecture d'un énorme dictionnaire en 4 volumes, un quarto. Qu'est-ce que c'est? Il s'appelle « Le dictionnaire économique contenant divers moyens d'augmenter son bien et de conserver sa santé, avec plusieurs remèdes assurés et éprouvés pour un très grand nombre de maladies et de beaux secrets pour parvenir à une longue et heureuse vieillesse. Quantité de moyens pour élever. » Alors je passe, parce qu'ensuite il y a une description de tous les différents animaux de ferme et différents filets pour la pêche de toutes sortes de poissons et pour la chasse de toutes sortes d'animaux et d'oiseaux. Et tous les secrets de la botanique, enfin il y en a une page entière. Les moyens dont se servent les marchands pour faire de gros établissements. Ceux par lesquels les Anglais et les Hollandais se sont enrichis en trafiquant des chevaux, des chèvres, des brebis, etc. C'est très complet, dis donc. C'est très complet parce qu'il y a aussi tout ce que doivent faire les artisans, jardiniers, vignerons, marchands, négociants, banquiers, commissionnaires, magistrats, officiers de justice, gentilshommes et autres d'une qualité et d'un emploi plus relevé pour s'enrichir, etc. Alors, monsieur Noël Chaumel, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Vincent-de-Lyon. Alors, c'est enrichi de très grand nombre de gravures. Il y a 4 tomes et c'est publié en 1832. Chez la veuve de Jacques Étienne, vis-à-vis la rue du Bois. Le livre est illustré des quantités de gravures sur bois, représentant des plantes ou représentant différentes scènes de chasse, comme cette scène-ci, qui est classée dans le chapitre Corneille, manière de prendre quantité de corneille. Alors il y a une très belle gravure sur bois, dans le style des gravures du XVIe siècle. Ça représente un paysage assez montagneux, avec un bois à gauche, un de ces bois où viennent nicher les corneilles le soir, après la tombée du soleil. Et un arbre se détache dans la partie droite, il est rempli de corneilles, il y a un homme assis dedans, un autre est assis par terre, et il y a un immense sac, comme un gigantesque sac de pommes de terre, qui est complètement plein. Et voilà ce que je lis. C'est ordinairement dans les bois que se fait cette chasse, ayant remarqué quelque endroit où il se retire de nuit quantité de corneilles. Car ce n'est que dans ce temps qu'on prend ce divertissement. On s'y transporte, on choisit 10 ou 12 pieds d'arbres, qu'on ébranche à 5 ou 6 pieds de haut, et quelques-uns, même jusqu'à 8, ne leur laissant à chacun qu'une tête raisonnablement garnie. Après cela, il faut être 2, vêtus de noir, et aller la nuit, comme on a dit, dans le lieu où sont les arbres, sur lesquels on monte, tandis que 2 autres hommes marchent dans le bois, faisant un peu de bruit en secouant les arbres sur lesquels ils voient le plus de corneilles, qui étant épouvantées par ce bruit et par ces ébranlements, quittent l'arbre où elles sont perchées, et prenant leur essor dans les bois et autour des 2 hommes habillés de noir, croient que c'est un tas de corneilles et se mettent sur eux et tout alentour. Il en vole une si grande quantité qu'il y a des nuits qu'on ne sait auxquelles courir, et pour les tuer, on les prend à la main, on leur écrase la tête avec les dents, puis on les jette à bas. Les nuits les plus obscures sont les plus propres pour cela. On peut, si l'on veut, aller plus de 4 personnes à cette chasse, surtout quand il fait sombre, et observer que la moitié monte sur les arbres et l'autre bat le bois et secoue les endroits où les corneilles sont perchées. Et Bernard Dufour est parti à la chasse aux corneilles? Non, j'ai pas été à la chasse aux corneilles, parce que il y a d'autres chasses aux corneilles absolument insensées. Il y a une autre chasse absolument... Bon, non, la seule chasse que j'ai pratiquée est la chasse aux grands-ducs. Et alors, il y a une chose très curieuse, on parlait d'André Breton tout à l'heure, c'est qu'André Breton, dans Nadja, au début de Nadja, parle de la chasse aux grands-ducs, sans qu'il soit très clair, m'ont établi s'il a pratiqué la chasse aux grands-ducs ou non. Alors, c'est une chasse, moi, que j'ai pratiquée avec Martine, et qui consiste en cela. On prend un hibou empaillé, grand-duc c'est très rare. Je l'avais monté sur un piquet avec un perchoir articulé et relié à une longue ficelle que j'avais passée au bout de moi pour qu'on ne la voie pas. On part avant le lever du soleil, en pleine nuit, on s'est installé dans une gazelle, la hutte de pierre où est inscrit Hiram. On en a bouché l'ouverture avec un fagot. Le grand-duc empaillé et le hibou empaillé étaient sur son perchoir au milieu de la prairie. Et quand le jour s'est levé, je bougeais la ficelle de telle sorte que l'hibou oscille sur son perchoir. Et Martine, avec un appôt qui imitait l'appel des jets, hein, tous les jets s'abattaient sur le hibou empaillé, et moi je l'ai tué à coup de fusil. Ce qui est une chasse tout à fait comparable à ces chasses-là. Oui, tu tirais la ficelle. Martine tirait la ficelle. Alors il y a une autre chasse qui m'avait beaucoup passionné aussi, qui était des chasses au filet. À cette époque-là, on pouvait ramasser les perdrix dans les champs, Alors, il y a une image là, absolument fantastique qui représente un filet tendu dans les champs, une espèce de nasse. Et puis, on pousse, on faisait peur aux perdrix qui étaient dans le champ en poussant les perdrix vers le filet au moyen d'une vache. Et cette vache, c'était une vache en toile. Il y a une longue description de cette vache dans le livre, qui était faite d'un grand carré de toile monté sur, comme un cerf-volant, une espèce de cerf-volant, avec une tête de vache, des cornes, une grande queue de ficelle qu'on passait à la peinture rouge. Et le type se mettait derrière, portait cette vache comme une espèce de bouclier masqué derrière elle, et il poussait les perdrix lentement vers le filet qui entrait dans le filet. Alors je m'étais mis dans la tête de fabriquer un filet. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce dessin, ce sont les cloisonnements en perspective filante, inscrits M, N, O, P, etc. C'est à la fois... Alors ça se reporte, ce sont des lettres qui se reportent au texte, et qui est totalement incompréhensible. Je vais te donner une idée de l'incompréhension de ce texte et de la très très bizarre syntaxe du XVIIIe siècle. Parce que je m'étais mis dans la tête de fabriquer un filet, soit pour attraper les oiseaux, soit pour les transporter. Alors j'avais fabriqué une navette, j'avais fabriqué un moule avec une bougie, et je lisais cela. Comment il faut faire la première maille et les autres de la première rangée en travaillant sur le pouce. Quand l'aiguille sera pleine, prenez un moule pour travailler comme il est représenté dans la seconde figure suivante. Faites deux tours du fil dessus et nouez les deux brins ensemble, puis retirez le tout hors du moule. Ce sera la première maille du filet que l'on voit marquer des chiffres 5 et 4. Le dessin est totalement incompréhensible. Dans la figure suivante, si vous voyez cette maille soit trop grande, prenez un moule plus petit. Et si elle est trop étroite, prenez-en un plus gros. Alors il y a une autre méthode. De quelle manière il faut faire la première maille et les autres de la première rangée en travaillant sous le petit doigt. Jetez les yeux sur la figure ci-jointe. Alors là, on voit une main. Alors là, il y a un imbroglio de fil absolument incroyable, marqué des lettres L-I-M. Un petit... Ça, comment ça s'appelle? Petit truc qui supporte le fil. Moi, j'ai passé des nuits entières à savoir si c'était dessous, dessus, en dessous, etc. Et quand j'avais fait une série de mailles, je tirais sur le tout et tout le filet se fermait d'un seul coup, se transformant en une espèce de ficelle. La pauvreté entraîne le désir de changement, de l'action et de la révolution. Sur une feuille blanche, on peut écrire et dessiner ce qu'il y a de plus nouveau et de plus beau. La pauvreté entraîne le désir de changement, de l'action et de la révolution. Sur une feuille blanche, on peut écrire et dessiner ce qu'il y a de plus nouveau et de plus beau. Alors la voiture marche bien. Alors, quand je te dis, on fait un voyage avec. Ah, mais ça c'est rigolo. C'est pas rigolo, mais ça m'a étonné parce que j'avais jamais vu ça. On a été à Villefranche avec Taillas, que tu connais. On a dit que ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, comment est cette route? Mais qu'est-ce qui s'est qui tape dessous? C'est de le gravillon. Et oui, il m'a dit, tu vois bien que là-haut, plus loin, il y a les machines pour regoudronner, pour... On fait un rechargement, un peu de gravillon, et puis... Bon. Enfin, ça faisait du bruit. Dessous, ce gravillon. Enfin, ça semblait que ce soit de la grêle. Oh, moi j'ai dit, mais alors, marche pas si vite. Mais ça vous fait pas plaisir, marche pas si vite. Crac, d'un coup, la vitre de devant s'est brisée. T'as brisé, tu n'as pas... Elle a cassé quoi? Un éclat. Et alors, il est resté qu'un petit rond comme ça. Vous avez vu ça? Alors, effectivement, comme ça. Moi, j'ai cru, tu comprends, que c'était. Mais je n'ai rien dit, parce qu'il ne faut jamais crier en voiture. Moi, je ne crie pas, d'abord. Je me crisperais, mais je ne crie pas. Alors, ce petit rang, je lui ai dit, arrête-toi, je lui ai dit, parce que il va, si notre gravillon venait passer par ce rang, ça pourrait aller par la figure, tu ne sais pas plus rien, arrête-toi, je dis à Payas. Et Payas m'a dit, mais c'est pas mieux. Il m'a dit, tu vois, il y a encore là. La vitre n'est pas cassée, parce que... Aux vitres, ah oui, brisée à un endroit seulement. Brisée partout, partout, partout, partout, d'un coin à l'autre, il n'y avait que ce petit rang en face de le conducteur. La pauvreté entraîne le désir de changement, de l'action et de la révolution. Sur une feuille blanche, on peut écrire et dessiner ce qu'il y a de plus nouveau et de plus beau. Mao Tse-tung. Nietzsche, Le Gai Savoir, collection Idées. Avant-propos. Que je n'oublie pas pour finir l'essentiel. De ces abîmes, de ces graves maladies, et même de celles du soupçon grave, on revient régénéré avec une nouvelle peau, plus chatouilleux, plus méchant que jamais, avec un goût plus subtil pour la joie, avec une langue plus sensible aux bonnes choses, l'esprit plus gai, doté d'une seconde innocence, plus dangereuse. Dans la joie, on revient plus enfantin qu'on ne le fut jamais, et en même temps 100 fois plus raffiné. Quelle répugnance vous inspire désormais la jouissance, la grosse jouissance morne et grise, telle que l'entendent en général les jouisseurs, nos gens cultivés et nos riches, nos dirigeants. Quel plaisir, quel malin plaisir d'écouter désormais ces gros tam-tams forains de l'art, du livre ou de la musique avec lesquels l'homme instruit d'aujourd'hui se laisse violer l'intelligence et administrer les joies de l'esprit à grand renfort de spiritueux. Comme notre goût s'est éloigné de tout ce micmac romantique, de ce gâchis des sens où se complaît la plèbe de l'intelligence et de son fatras d'aspiration au sublime, à l'élevé, au tortillé. Non, s'il nous faut encore un art à nous autres convalescents, c'est un autre art, un art moqueur, léger, fluide, divinement libre et divinement artificiel, qui jaillissent comme une flamme claire au milieu d'un ciel sans nuages. Antonin Artaud, Le théâtre et son double, collection Idées. En finir avec les chefs-d'œuvre. Si Shakespeare et ses imitateurs nous ont insinué à la longue une idée de l'art pour l'art, avec l'art d'un côté et la vie de l'autre, on pouvait se reposer sur cette idée inefficace et paresseuse tant que la vie au dehors tenait. Mais on voit tout de même à trop de signes que tout ce qui nous faisait vivre ne tient plus, que nous sommes tous fous, désespérés et malades. Et je nous invite à réagir. Cette idée d'art détaché, de poésie charme et qui n'existe que pour charmer les loisirs est une idée de décadence et elle démontre hautement notre puissance de castration. notre admiration littéraire pour Rimbaud, Jarry, Lautréamont et quelques autres, qui a poussé deux hommes au suicide, mais qui se réduit pour les autres à des parlottes de café, fait partie de cette idée de la poésie littéraire, de l'art détaché, de l'activité spirituelle neutre, qui ne fait rien et ne produit rien. Et je constate que c'est au moment où la poésie individuelle, qui n'engage que celui qui l'a fait et au moment où il l'a fait, sévissait de la façon la plus abusive, que le théâtre a été le plus méprisé par des poètes qui n'ont jamais eu le sens ni de l'action directe et en masse, ni de l'efficacité, ni du danger. C'est le travail spécifique du peintre révolutionnaire, du peintre vivant un temps de changement total, comme l'a été la fin du Moyen-Âge, comme l'est notre temps, que de chercher à donner du monde un schéma nouveau de relation, que d'inventer une autre information. Il n'existe pas de peinture révolutionnaire, révolutionnante, à l'intérieur du cadre de cette vieille perspective dont la force trompeuse de vieux béquillards est dans le mécanisme de l'optique du relais flex. Toute la thématique préférée de moi, homme, femme, regard, sexualité obscène, radicale, et détachée du bric-à-brac anecdotique, où mes hésitations l'avaient maintenue de 1961-62 à 1967-68. Nous autres, moi, ne savons pas peindre, ni dessiner. Notre dessin, notre peinture, ne peuvent être que mauvais par rapport à l'idée reçue. On était donc arrivé en 67. Alors là, si tu veux bien, je vais reprendre ton petit schéma de la décennie, parce que il est à la fois très clair et très mystérieux. Il est très clair parce qu'on voit une belle écriture verte, 1967, nouvelle peinture, découverte de l'autre, soulignée. Bon, et puis alors à partir de là, il y a une grande diagonale qui divise le schéma en deux, et sur la droite du schéma, on trouve alors comme une véritable explosion ou expansion 68, 69, 70, 71, avec quantité d'événements qui ont l'air vraiment de tracer ou retracer les étapes d'une rupture ou d'un renversement complet de la situation. Il y a d'abord une rupture sur le plan pictural que tu peux retrouver dans la biographie du catalogue de Saint-Étienne. Dans la colonne des années, avec la liste des tableaux correspondant à chacune de ces années, en 67, complètement isolé par deux barres, on voit rupture. Un grand tableau, violemment coloré, arbitrairement, fond blanc de la toile à dessin noir, femmes et têtes. Et ça s'est passé dans l'été de 67, et j'ai eu vraiment l'impression, le sentiment de redécouvrir l'invention de la peinture dans cet été-là. Il n'y a plus aucun autoportrait, toute cette espèce d'introversion est complètement liquidée, et il y a à nouveau une ouverture, comme il y en avait une en 60 ou 61, au moment du passage de l'abstraction à la figuration, une ouverture vers la peinture, sur la peinture et sur des moyens complètement picturaux. Ce que j'ai souligné là dans ce que tu viens de lire, violemment coloré, coloré arbitrairement, fond blanc de la toile, dessin noir, montre un mélange et un mélange de techniques picturales où j'invente à nouveau complètement et très librement, semble-t-il. Et la rupture fondamentale s'est passée sur ce plan. Alors dans cette redécouverte du matériau pictural, qu'est-ce qu'est devenue la figure ? Elle est devenue... La figure, elle a disparu en tant qu'autoportrait. En tant qu'autoportrait dans l'esprit d'une étude académique. Parce qu'il y a encore des autoportraits dans ces tableaux, mais qui sont mêlés. Ce qui est très important dans ces tableaux, c'est que l'espace est complètement inventé. Et il y a un tableau qui est à Paris, un grand tableau bleu, où il y a trois grandes têtes qui sont les suites, les conséquences des séries d'autoportraits, mais qui n'ont absolument plus rien à faire avec ce que peut être une étude d'autoportrait académique ou selon les canons traditionnels de la peinture. Comme le tableau qui est là dans la petite chambre à côté, que j'appelle les Chinois, où il y a ces deux têtes au milieu, dans un espace complètement arbitraire. Pour paraphraser Jean-Ric Cardou, on pourrait dire que c'est une rupture définitive entre le quotidien et le pictural. Oui, j'avais insisté sur le côté complètement autobiographique et introspectif de la peinture de 60, qui sont de 62 à 66 compris, et là, c'est complètement fini. C'est-à-dire tout le côté anecdotique et autobiographique est liquidé. Bon, mais alors quels sont les facteurs à la fois intérieurs et extérieurs qui sont intervenus dans ce bouleversement? Bah, tu sais, c'est tout de même qu'une crise se développe et se termine aussi. Mais à ce moment-là, il a bien dû y avoir des événements déterminants, peut-être qui ont eu un effet... Alors, ce que je constate quand je repense à ces années 62 à 67, c'est que autant ces années étaient marquées par le repliement, par l'introspection picturale sur le plan de la peinture et sur le plan de la vie, c'est-à-dire mes repliements au pradier, autant tout d'un coup, j'ai l'impression d'une ouverture. Cette ouverture se produit sur un premier plan, et c'est ce que tu as lu tout à l'heure sur la page, découverte de l'autre. Et découverte de l'autre, c'est une découverte qui se situe sur le plan... amoureux, je découvre l'autre, c'est-à-dire la femme que j'aime. Et je la découvre comme je ne l'avais peut-être pas découverte jusqu'à là. Cette découverte de l'autre, elle est liée au remaniement de tout le matériel culturel. Oui, c'est là, c'est vrai, la rupture se produit absolument là. Et comment ça se fait en pratique? Dans le geste pictural, dans le quotidien du pictural, comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans le quotidien pictural. J'ai retrouvé dans cet été-là une espèce de frénésie de peinture, une accumulation dans le grenier d'une salle d'atelier qui est là-haut, absolument énorme de tableaux, faire toute vitesse dans une espèce de frénésie et de la frénésie, cette espèce de découverte de la peinture au jour le jour. Michelet, Le Peuple, chapitre 7. La foi de la Révolution. Elle n'a pas gardé la foi jusqu'au bout, elle n'a pas transmis son esprit par éducation. Logicien sans métaphysique, légiste moins le droit et l'histoire, il ne croyait qu'aux signes, aux formes, aux figures, à la phrase. En toute chose, il leur manquait la substance, la vie et le sentiment de la vie. Quand ils arrivèrent sur le grand théâtre où les vanités s'aiguisaient à mort, on put voir tout ce que la subtilité scolastique peut ajouter de mauvais à une mauvaise nature. Ces terribles abstracteurs de quintessence s'armèrent de 5 ou 6 formules qui, comme autant de guillotines, leur servirent à abstraire des hommes. La Révolution ne franchit point le pas qui lui eût livré l'avenir. Elle n'eut pas le courage de mettre la main sur le jeune monde qui venait. La Révolution, pour s'en emparer, devait enseigner une chose, une seule chose, la Révolution. La découverte de l'autre, c'est également la découverte de du contexte social. Oui, mais ça aura lieu un petit peu plus tard. Si tu veux, il y a l'autre. En 67, c'est vraiment la redécouverte ou la découverte de l'autre. Et en 68, ce sera la découverte des autres. Et là, je dois dire que tu auras joué un rôle assez déterminant, puisque tu viens ici au Pradier en février-mars 68. Et si tu te rappelles, il faisait extrêmement froid. Nous passions toutes les journées ici. Et pendant, nous sommes restés ici 15 jours ou 3 semaines. Et à ce moment-là, tu m'as extrêmement longuement parlé. Je pense que tu connaissais, que tu avais des amis étudiants ou étudiantes à Nanterre, et tu m'as tout d'un coup découvert tout ce qui se passait à Nanterre, un peu comme je découvrais ensuite dans La Chinoise de Godard. Il y avait une espèce de vue prémonitoire des événements de mai 68, Coquimard, littéralement révélé à ce séjour au Pradier en février-mars 68. Et c'est là que se situe la révélation des autres, c'est-à-dire en fait la révélation du fait politique. Dans la guerre révolutionnaire en Chine, cette époque est obligé d'étudier les lois de la guerre révolutionnaire en Chine. Non, je ne disais pas uniquement parce que justement, je crois que le gros apport de Claude a été sur le plan de la linguistique, de tout ce qui se passait intellectuellement dans le monde et qui ne. Oui, ça, ce, que tu, oui. Que tu refusais, bon, mais c'est ce que j'appelle le fait politique, c'est-à-dire. C'est pas uniquement. Comment étudier la guerre ? Mais c'est ce que j'en Section 1, les lois de la guerre sont évolutives. Qui concerne à la fois aussi bien, bon, ça sera aussi bien l'événement politique pur de mai 68 que Michel Foucault, que les lectures marxistes, que Jacobson et Benveniste. Guerre révolutionnaire. Oui, moi je me rappelais surtout. Les lois de la guerre révolutionnaire en Chine. Benveniste et Gemslev. Mais il y a une chose intéressante là-dedans, enfin qui m'intéresse beaucoup, c'est l'allusion à l'espace cinématographique chez Godard. Pourrais-tu préciser les relations que tu as pu établir à cette époque-là entre l'invention spatiale et sonore chez Godard ? Les lois de la guerre sont évolutives. Et les fruits que peut-être tu pouvais en tirer pour le développement de l'espace pictural ? Oui, mais je ne peux pas le faire à partir immédiatement des films de la série La Chinoise ou Pierrot. Chef, dans une guerre révolutionnaire, est obligé d'étudier les lois de la guerre révolutionnaire. Dans La Chinoise ou dans Pierrot le Fou et dans cette série, c'est si tu veux le caractère violemment beau de ces images. Comme ça. Bon, mais. Et la violence du discours et de la beauté du discours de Godard. Mais. Il utilise dans tous ses films l'appareil. C'est un problème que doit étudier et résoudre quiconque et dirige une guerre révolutionnaire en Chine. Par contre-coup, puisque toute l'optique a été inventée pour rendre compte d'une image Renaissance. Et moi, ce qui m'intéressait dans la peinture, ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'invention d'un nouvel espace, d'un autre espace que l'espace Renaissance. Et chez Godard, en général, je n'ai trouvé réellement... Mais également les lois spécifiques de la guerre révolutionnaire, que les lois spécifiques particulières de la guerre révolutionnaire en Chine. Je crois qu'on pouvait le déceler auparavant dans un film comme « Made in USA », où nombre de plans sont sur fond uni, blanc très souvent, ou rouge... Et oui, mais on peut établir que très difficilement des rapports de distance entre les personnages ou les objets au premier plan. Mais ça n'atteint jamais, ça n'atteint pas l'extrême des plans du Gai Savoir, où, je rappelle, on voit les deux personnages, Pierre Léo et la fille, se détacher, violemment colorés, très joliment colorés, leurs costumes sont très très jolis, sur la boîte de l'espace scénique Renaissance, la boîte, le parapipède ouvert sur un côté, est complètement abolie. Tout est complètement gris, il n'y a ni plancher, etc. Et à la fin, bon, je raconte ça, à la fin, quand les deux personnages s'en vont, ils ne sortent ni par le côté court, ni par le côté jardin, ils sortent par en dessous, ils disparaissent comme aspirés dans une trappe, et on entend leur conversation venir off, mais absolument par en dessous, traverser l'écran comme va traverser tout à l'heure, va monter dans l'écran la fumée de la cigarette qu'ils sont en train d'allumer. Et là, il y a vraiment une destruction totale de l'espace Renaissance chez Godard au cinéma qui, à mon avis, est pour la première fois constituée de cette façon aussi totale comme ça. Bon, on ne peut pas imaginer qu'on soit beaucoup de films de cette façon. Le problème est très difficile au cinéma parce qu'il y a cette boîte, cette espèce d'appareil Leica, de Leica perfectionné avec une vision monoculaire à un mètre du sol qui répond exactement à la boîte de... Il faut parvenir par les moyens sommaires de la peinture, peindre et déposer des couleurs par un moyen quelconque sur une surface quelconque. À remplacer le système Bison par le système Pharaon et ainsi de suite, et avoir chaque fois le monde autrement, alors que pour autant et par ailleurs, rien n'y est apparemment différent. Quand les Égyptiens ont peint des pharaons, ils n'ont pas peint des pharaons sur des parois rocheuses avec les techniques et la perspective des paléolithiques. Ils ont inventé un nouveau système. Et le système Bison a été remplacé par le système Pharaon, qui a été remplacé par le système Giotesque, qui lui-même a été remplacé, etc., etc., etc. Or, nous sommes à un moment où tout change, de situation révolutionnaire, et il, tout naturellement, il va se créer un nouvel espace. Et ce que j'admire chez Godard dans ce film, c'est qu'il, sur le plan du cinéma, avec les fantastiques difficultés dues à sa boîte, à sa foutue boîte de cinéma, il a absolument non seulement senti la nécessité de ça, mais il l'a réalisé. Alors que pour nous autres peintres, il est beaucoup plus facile de détruire l'espace puisque nous n'avons aucune coercition d'appareil de transmission, d'appareil d'enregistrement. Grotte du Pêche-Merle. Lot. Et au-dessus, il y a la ligne, la double ligne du dos d'un bison, du grand mammouth. Et elle est inscrite là-dedans. Oui, oui, la femme. La femme, elle est là. La tête, le bras, les deux seins, le ventre, les deux jambes, enlève, les fesses, enlève la ligne du dos. Enlève la lampe maintenant. Ouais. On la voit très bien. Et elle est inscrite dans un imbroglio de lignes. C'est ça, oui. Elle est quand même située à l'endroit le plus pratique pour dessiner. Et ce que je trouve... ce qui est très curieux dans ces panneaux à graffiti, moi, c'est que les mammouths, le reste des dessins de la caverne, témoignent d'une maîtrise fantastique. Alors là, c'est presque de l'art naïf. Hein. Comme si c'était les visiteurs qui venaient et qui étaient concentrés là pour faire ce qu'ils ont envie de faire. J'ai quelquefois l'impression d'espèce de panneau de défoulement comme ça. Oui, c'était peut-être. C'est un peu les carnets de croquis, ça. Non. De toute façon, nous, on a une échelle de valeur donnée. Quand on voit un grand panneau peint avec plusieurs couleurs et des lignes très accusées, on a l'impression que c'est ce qui est le plus élaboré. J'ai pas du tout dit que c'était comme ça aussi dans l'esprit des gens qui dessinaient ça. Peut-être qu'un panneau très très simplifié comme celui-là au plafond. Sans couleur, simplement fait avec le bout du doigt un peu dans tous les sens, se recouvrant. Il doit y avoir un certain nombre de dessins superposés, de toute façon. Peut-être que ça avait beaucoup plus d'importance comme signe, comme emplacement, comme fait que c'était répétitif et que tout se surchargeait sans arrêt. Mais tu sais, il y a deux possibilités sur ces choses-là. C'est ou bien un mélange complet, un imbroglio complet, les types dessinant au milieu des autres. Mais le roi Gourand dit qu'il pouvait à un moment recouvrir la femme, la surface rocheuse, l'érotisme, sont pour moi des thèmes obsessionnels, qui annulaient les dessins antérieurs, qui m'évitent d'avoir à chercher des sujets. Et leur emploi devant la toile blanche me permet d'aborder immédiatement et violemment mes recherches, mes essais sur la construction de cet espace nouveau. Moi, je trouve ça très excitant, toujours en mon travail de peintre s'en trouve simplifié. J'aimerais toujours que dans une exposition, je veux dire réduit à ce qu'il doit avoir d'essentiel. Puisqu'il s'agit avant tout des d'établir des relations nouvelles entre les choses vues. Finalement, c'est peu importe les choses. C'est l'équivalent des il suffit qu'elles ne me gênent pas. Dessin, il est bon que le caractère obsessionnel rende libre la faculté du travail, de réflexion, ça qui était important, d'invention. C'est-à-dire la liberté de surcharger les dessins précédents. Ouais. Et, bon, ces éléments obsessionnels se sont révélés à l'usage plus formateurs. On a identifié ces dessins-là, ce tracé qui n'est absolument pas surchargé, là, à gauche. Il y a une espèce de grosse tête, là, énorme. C'est un profil de mammouth. De mammouth. Et en dessous, c'est une femme, allongée. Je ne pense pas. Mais là, sur un canapé. C'est bien. Un côté beaucoup plus nonchalant que dans les autres dessins. Non, la deuxième silhouette féminine est beaucoup plus à gauche, on l'aperçoit ici. Ah oui. On voit les seins, là. C'est ça. Ah ben non. Et ça, c'est quoi, leur dessin aussi? Oui, ça en est une troisième. Trois. C'est ça. Et alors là-bas, on ne voit pas du tout, il y a un panneau de jour complètement raturé. Là, rien ça. On a des mètres carrés de tracés sans signification apparente, n'est-ce pas? Ça, c'est des bâtonnets, en fait. C'est des chers bâtonnets de leur wagon. Ou alors le dessinateur est pointé, ça, ça mine. En griffant le mur. Tu sais qu'il y a une chose quand même assez drôle à propos des femmes, des profils de femmes dérivés des profils de bisons qui sont au plafond, c'est que c'est des silhouettes extraordinairement tendres, molles. La femme est gentiment cambrée en avant, elle est faite de plusieurs séries de courbes très molles, elle a les seins pointus et pendants, un peu rigides, un peu bananique, comme ça. Et c'est très différent de... Dans le dessin et dans cette espèce de tendresse du contour de toutes les autres figurations sexuées, qui sont au contraire complètement triviales, très dures, incisées. Et très réalistes. Qui sont vraiment des dessins de pissotière. Ouais, ouais. Hein? Tous les dessins sexués paléolithiques toutes sont, les bonnes femmes sont des vraiment dessins des dessins de pissotière. Ouais, ouais. Sauf ce contour-là qui est dérivé d'un animal. Ce qui m'intéresse le plus fortement est l'obscénité. Je veux dire, un spectacle si gênant qu'on en demeure paralysé, alors que le spectacle érotique provoque le mouvement de la main, par exemple. Regardant au musée de Saint-Germain, le silence de l'obscène, comme de la mort, si on parvenait à représenter la mort dans une vision matérialiste, et la bonne femme couchée dessus, en quelque sorte, travestie. De tas, comme ça, vraiment de graffiti. Il importe dans l'idéologie matérialiste sauf le sexe qui est de lier la mort mais à l'acte d'amour, à la jouissance sexuelle, et non pas à l'amour. Absolument. Et de donner des deux une image stupéfiante, provoquant le silence, et non les charmes de la rêverie, de la masturbation, ou la peur angoissée. Aucun rapport entre les j'ai toujours été confondu par les graffitis obscènes de pissotières auxquels on ne peut répondre que par un seul geste. Éventuellement, le dessin de notre graffiti obscène. Regarde-là, celle-là. On est loin du sourire de Reims. Oui, mais on le retrouve dans chaque fois dans les bisons, le sourire de Reims. Quelquefois dans les pissotières. Le plus frappant, c'est que la recherche et la découverte de ce nouvel espace pictural s'effectuent de façon très, très étroitement imbriquée avec la recherche et la découverte des autres au sens très large, c'est-à-dire des écrivains que tu connaissais déjà mais avec qui tu n'avais pas collaboré de façon très, très stricte, et puis des réalités sociales et politiques des années 67-68. Pourrais-tu parler des travaux que tu as fait à ce moment-là avec Bitter et d'autres? En 68, avant les événements de mai, j'étais en train de réaliser avec Bitter un petit livre qui a été publié ensuite, qui s'appelle « La banlieue de l'aube à l'aurore, suivi de mouvements browniens », et c'était édité chez Fata Morgana. Alors c'est un petit livre, un poème de jeunesse de Victor, assez long, et que j'ai illustré, c'est-à-dire que j'ai truffé de dessins au trait, reproduits au trait. Bon, alors j'étais en train de faire ce travail avec lui, l'événement de mai arrive, il vient chez moi à l'atelier le lendemain du 13 mai, et j'avais déjà fait des dessins, j'avais l'idée de faire des dessins sur des plans d'architecture, comme des plans d'architecture, les dessins sur calque qu'on tire comme les plans d'architecte. Et nous avons eu l'idée de faire une affiche. Quand nous en serons au temps des cerises, des guerres aux signoles, des merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Voici la première affiche réalisée en mai 1968 en insolation par Bernard Dufour. L'ensemble est maculé de bleu sombre et le texte est écrit sur fond blanc par Dufour lui-même. Certains passages de ce texte sont considérablement grossis par rapport aux autres, en particulier trois lignes. Le mot « aurore », ensuite les mots « le temps s'éveille » et enfin le dernier mot « braise ». Dans les intervalles du texte, on voit deux signes, une sorte d'œil qui signe véritablement tout cela et répondant à cet œil, une esquisse de la ville de Paris où de très gros points figuraient Nanterre et la Sorbonne, un plan grossier de Paris qui est fait lui aussi comme un œil. Quel plaisir de te voir enfin crouler, palais Mazur, et toi, cher savoir, dans ton ébranlement vas-tu recouvrer ton teint d'aurore brune, crépitement salin, haleine d'horizon hauturier, saison d'œil, rêvant de larguer ses amarres. La ville frémit à son quai. Flic, flac. Levain des nombres et figures, passage, présence, avènement, le temps s'éveille au bain des signes. Braise. Oui, la tête est renversée en arrière par rapport à nous, si on veut, n'est-ce pas? Alors, elle a un très gros ventre. Alors, oui, l'ébauche du bras, les deux seins croisés, oui. Et puis alors la ligne du ventre, qui est une ligne, c'est ça, oui, qui ventre rond. Bon, les bras sont complètement bousillés, il n'y a qu'un bras qui est seulement un tout petit moignon qui est ébauche. Et le bras droit qui couvrirait les seins et masquerait le ventre, il est carrément supprimé. C'est ça. Tu comprends, Martine? Martine, le bras droit est liquidé. Elle est disposée. Avec oui, elle est comme ça. Elle est exactement comme ça, voilà. Elle est comme ça. Voilà. Oui. Voilà, on la repère par le dos du bison. Le... Oui, enfin... Bon, comme ça, c'est une femme, si l'on veut. Ça peut être un être mythologique. Ça peut être une moitié femme, moitié biche. Non, c'est bien une femme, ça. C'est plutôt une espèce de... Je vois une grande femme nue. On appuie sur les genoux et les jambes. Les pieds retournés. Sa posture en porte-à-faux. Il pleut. Un contour animal. Oui. C'est-à-dire elle a pas un dos humain, elle a un dos incurvé d'animal qui marche à quatre pattes. Oui. C'est très visible, elle a un dos de cheval, comme ça. Quoi. Mais enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils avaient une telle habitude de faire ces courbes de dos d'animaux qu'un jour, ils l'ont transformée en femme, accidentellement. Le dessus de la tête aussi est absolument arrondi en dôme, comme la tête d'animal. Le dos, ça peut très bien. Alors, on voit bien que le dessin vient d'un dessin d'animal. C'est une métonymie. Montrez-nous les autres, les deux autres. Ça laisserait là, il y a une paire de seins, là. Oui, oui. Alors, je vais prendre ma toute petite lumière pour faire... un petit faisceau lumineux et à peu près précis. Alors là, on a un dessin exagéré. De et puis ça, c'est la ligne du ventre, n'est-ce pas? Oui, on voit très bien les fesses à l'opposé. Et ici, la grande fesse. Alors après avoir fait cette affiche avec Butor, tu as l'idée d'une sorte de cahier qui réunirait peintre et écrivain. Et ce premier cahier, ce premier numéro des Insolations, a été réalisé par Michel Butor et, pour les peintres, Alechinski, Bernard Dufour et Hérold. Mais... Insolation, qu'est-ce que tu entendais par insolation ? Insolation, c'est le nom simple du processus de reproduction, dont le véritable nom est héliographie. On désigne ça aussi sous le nom processus de l'osalide. Ce sont des dessins faits sur calque, c'est le procédé de développement des dessins des architectes, dessins sur papier calque, à l'encre de Chine ou avec une encre particulière, que l'on fait passer dans une machine ou par un procédé photochimique, le papier qui, sous le papier calque, est révélé. Et ton dessin apparaît en trait noir sur le papier. Alors, c'est une espèce de tirage, si tu veux. Bon, alors c'est un procédé extrêmement rapide. À partir du calque, on peut tirer un exemplaire ou 1000 exemplaires. C'est absolument illimité. Tant que tu conserves le calque, le nombre d'exemplaires est illimité. Bon, et c'est ça qui a été emballé. C'est l'ensemble de ces petites feuilles qui ont été ensuite classées dans un petit carton à dessin et publiées sous le nom de cahier insolation, ou plus simplement numéro 1 insolation. Il y en a eu 3, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors ça, c'est début mai 68. Alors le numéro 1 a été fait, ce sont des textes, des poèmes de Butor qui ont été écrits autour des événements de mai 68, immédiatement en mai. Et le temps de faire les dessins et de faire la publication... Le numéro 1 a été achevé et a été mis en vente le 13 juin 1968. Ensuite est sorti le 22 juin 1968 le numéro 2, dont le titre est Sorbonne, qui réunit les textes suivants: Rouge noir de Jean-Pierre Fay, La relève de Claude Ollier, La chance de mort de Maurice Roche et des dessins faits en commun par Mata et moi. Il a été édité à 200 exemplaires. Le numéro 3 a pour titre une citation d'André Breton: Le seul mot de liberté est tout ce qui m'exalte encore. André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924. Il a été achevé le 9 décembre 1968. Les textes, texte de Pierre Guyotat, Saint-Just ou la précipitation des actions de Denis Roche. Alors, Pierrot, toujours la guerre, mon capitaine, de Romain Van Garten. L'homme blanc est le monde libre. Un homme blanc se contemple dans un miroir et parle à Dieu qui lui répond, de Kateb Yassine. Les dessins sont de Ipoustegui, de Vifredo Lam, de François Luneven, dont je salue la mort, et de moi-même. Quand nous en serons au temps des cerises, des guerres aux signoles, des merles moqueurs seront tous en fête. les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Maurice Roche, La chance de mort. Insolation numéro 2, texte repris dans Circus. Ta Sorbonne, pleine du sable de villes ensevelies, à tenir comme un livre, déterrer les jardins suspendus de la pensée, tout parcours superposé à suivre, aux paillasses, aux clowns musicaux, on la livre. La tactilité entraînant une réaction réflexe, renvoyant à la tactilité, rétrospectivement, râpant une texture de la soif au toucher. De ce chef s'effritant, d'écrire la poussière sur un parchemin à brûler, puis mettre les cendres dans l'objet lui-même. Poser celui-ci sur une étagère de columbarium, dessous, visser une plaque d'émail, colui che toccava suonava pianoforte e le donne. Le charlatan éclectique donne le change, faisant du rien avec un peu de tout, en retrouvant dans un vieux codex, Nei King, la formule magique, le somnifère populaire, substituant au produit d'une force par le déplacement dans la direction de la force, un peu d'acide acétyl salicylique, pour toutes migraines idéologiques. Le tête servant de corps de résonance, les cavités orbitales faisant office d'ouïe. Aux dents du maxillaire supérieur, clavier, accrocher des cordes, les faire passer sur l'épine nasale, chevalet, et les fixer par des clous à l'os frontal, les tendre, jouer, être tendu, être tendre. Pétrification, précipitation du calcaire par les gaz de la putréfaction. Et ça pue autant. Dédale d'olleur à partir de l'indole, un peu aussi sa propre gravéolence se réfugiant dans les narines, ne pas pouvoir se sentir, alors se boucher le nez. Et quelque chose n'a pas d'odeur, capital de savoir ça. L'or, le trésor, est caché. Chercher la fiction dans les papiers. Or, en ce qui touche la chimère, avertissement, gagner à ne mettre personne au parfum. Obligation, action de thésauriser. Songer à ces vieilles nuits, par conséquent à l'oseille, au pissenlit par la racine. Nourrir étant paronyme de pourrir, sur place. Comment faire ? Suivre attentivement le geste singulier du chaman découvrant dans une geste de l'univers comme une autre, en plein ciel, sur la carte du tendre, cadran lumineux, tableau de bord géant au cœur de la nuit, la chance de mort. Je m'arrête toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde. Au cœur. Alors, le cygne crochu qui est ici, les petits bâtonnets qui se voient sur ce plafond, le petit aurore qui est très très beau, et puis alors l'homme blessé. Alors, l'homme blessé, il faut se pencher pour le voir, il est presque à l'envers, c'est ça, il faut être sur le dos. La tête est bien notée, on voit deux traits pour le corps, et en travers du corps, il y a des lignes, des flèches, quatre de chaque côté, mais les flèches ne traversent pas le bonhomme, n'est-ce pas? Et c'est un dessin aussi énigmatique que celui de Lascaux, finalement. Oh oui. Alors, au-delà, il y a ce double signe que le roi Gouran appelle un signe à l'accolade, un double signe, n'est-ce pas? Avec une continuation de lignes. 1968, et la découverte de la violence insurrectionnelle. Alors, ce que l'on peut noter d'intéressant. Face d'homme, regard point tendu au bout des bras. Et le double signe, c'est ça. Signe de violente érection. À partir de ce moment, c'est complètement énigmatique. Seule une thématique violente, sexuelle, m'occupera obsessionnellement, me contraignant de nouveau de réfléchir uniquement au comment peindre une peinture nouvelle, révolutionnante. Par le biais de la rue, j'ai été ramené à mon travail spécifique. Ah non, il y en a une autre dans la grotte. Ramené par la violence et l'urgence d'un travail sur la construction du monde d'aujourd'hui et donc à l'élaboration d'un langage pictural définissant un nouvel espace, peut-être un espace courbe, comme un milieu d'échange et de réversibilité. Même les quelques taches d'argile que l'on voit là, eh bien, il ne faut pas prendre ça pour du dessin préhistorique. Mais par contre, à la suite des petits bâtonnets bien rouges, il y a encore 4 ou 5 petits bâtonnets qui sont plus sombres, mais qui sont préhistoriques. Et les taches rouges, là, n'en sont pas, là ce sont des taches d'argile, ça. Il y a des endroits dans la grotte où il y a des stalactites très pointues et qui sont... En forme de sable, qui peut être dans l'extrémité, c'est ça. Ça, ce sont des allusions phalliques, non? Ça laisserait supposer que les creux rouges, même s'ils n'ont pas été faits de main d'homme, aient été utilisés. Ah, les petits traits rouges sont intentionnels, c'est symbolique. Est-ce que les endroits qui sont les plus inaccessibles sont les plus décorés dans les parties qu'on ne voit pas? Les plus décorés, pas forcément, mais c'est là où on trouve les signes les plus difficiles à interpréter, certainement. Mais ce qui est étonnant ici, c'est que le sorcier, généralement, est, à Lascaux, il est complètement caché. Mais c'est pas un sorcier, ça. Là, il est dans un recoin. Il est quand même dans un recoin. C'est un homme blessé, c'est pas un sorcier. Oui, non, mais c'est ce qu'on appelle dans une espèce de tradition le sorcier. Ah oui. Mais parce qu'on n'a jamais su. Chaque grotte a une figuration masculine. Et qu'on appelle le sorcier, mais c'est absolument pas ce que c'est. C'est comme le donateur dans les tableaux du Moyen-Âge. Oui. Il faut leur donner un nom. Oui, le sorcier qu'il y a aux trois frères, par exemple, qui est au fond de la galerie aussi, il ressemble plutôt à un petit diable, je sais pas. Avec une queue, il est très, très curieux. Et celui-là, celui de Cougnac et de Lascaux, et ben, ce sont des petits bonhommes qui semblent en difficulté. Gravure au sucre, dessin, encre et néocolore, sérigraphie, héliographie, premier ce que je vois à l'encre et néocolore. Peinture, premièrement tableau ocre rouge, jaune de mars, noir et blanc, série reprise en 70. Deuxièmement, série de tableaux vinyle blanc et noir avec dessin au fusain et à l'encre et colorié à l'huile localement. Série Sérigraphie, ce que je vois. Dessin à l'encre. Gravure. Sérigraphie. Bernard, qu'est-ce que c'est le procédé de sérigraphie ? Le procédé de sérigraphie est un procédé de reproduction bien connu d'un dessin qu'on utilise généralement par transfert photographique d'un dessin sur un écran de soie. Là, je dessine directement sur l'écran de soie avec une plume et une encre spéciale à base de caoutchouc. Chapitre 8. Et j'imprime que directement. Sans fleurs s'épanouissent. Il n'y a pas transfert du dessin, il y a dessin direct sur l'écran de soie et écriture. Ce qui m'a permis de faire directement les dessins sur l'écran. Par la libre discussion ensuite, dans les milieux quand je voulais écrire ce que je voyais, de l'écrire directement aussi, ou à toi-même, de le faire également dans le même geste. Alors, ce que je vois, c'est une série de dessins où, dans les blancs desquels, ensuite, j'ai décrit ce que je voyais. Alors, je peux en lire un. Nouveau et juste. Alors, dans celui-ci, n'est souvent pas reconnu 7, par la majorité des hommes au moment de son apparition. Il y a tout un texte de toi, Olivier, qui vient se superposer à une partie du dessin central. Il y a une grande figure noire. Il arrive souvent, à gauche, deux visages, ce qui est juste et bon ne soit pas reconnu pour une fleur odorante. Sur un fond vert, dans la partie gauche en bas, et le reste était blanc. Sur la partie centrale, tu as écrit le texte suivant que tu vas lire, et après tu l'as écrit, j'ai écrit moi tout ce que je voyais. Considéré comme erroné, oui. Alors et je commence à écrire après une lutte âpre et difficile. En lettres arabes, tel quel. Mais il y a pas mal de fautes d'orthographe. On ne peut pas corriger avec la sérigraphie. Non, non, c'est incorrigible. C'est un seul tracé, indélébile. J'ai mis à peu près, je vois. Un visage, je vois des mains. Mais pourquoi tu ne le lis pas en arabe ? Je vois des yeux. Et puis, quelques formules rituelles. Quelques formules propitiatoires. Bismillah. Dans ce cadre oblong, où deux masques inscrits regardent droit sous l'ombre féminine, ici, où visages précisément se fondent, mains et bouches, affrontement de triangles, au noir, d'ellipses, où le scripteur serait tenté sur sa lancée de lire jambage en fin de compte et code de ponctuation, n'était le crâne en ogive auquel Bernard ne croit. Et en arabe, Nosferatu, Nosferatu, Alhamdulillah. Ce que je vois. Je vois des dessins noirs, par traits, hachures ou grandes surfaces opaques et des couleurs, bleu, jaune, vert et rouge. Le bleu sert de fond à une longue inscription. Les caractères arabes font jaune et les caractères non arabes blancs. Claude Ollier a dit là ce que lui voit ici, avant moi. Les mots arabes disent, premièrement, en haut à gauche, au nom de Dieu. Deuxièmement, en bas à droite, je vois ton visage, ta main, ta bouche, si Dieu le veut. Troisièmement, en bas à gauche, Claude Ollier, 29-66. Quatrièmement, en bas... À droite, Nosferatu, louange à Dieu. Une grande face incomplète occupe le centre de la surface bleue, d'après Nosferatu, dit Claude, tandis qu'une plus petite figure, dont seule la partie inférieure est visible, est en haut à gauche. Deux ronds blancs la surmontent. Une femme nue allongée, verte et rouge, dans un rectangle vert, bloque le bas de l'inscription. La couleur rouge fait mal aux yeux. Elle est imprimée sur du blanc, quelquefois avec une illusion de relief. Une autre femme dont le vêtement est ouvert sur les seins lève les bras en haut, comme à un balcon, et je ne vois que le haut du corps, le reste masqué par le bleu de l'inscription. Ce bleu, à gauche, se prolonge par une forme irrégulière boursouflée qui s'applique régulièrement à la concavité d'une grande forme noire. Je vois, cette forme noire est celle d'un personnage féminin dont les seins à découvert apparaissent. Un noir triangle est visible en bas du ventre. Les traits du visage sont discernables dans le blanc de la feuille de papier. À la même époque, on avait fait un petit livre chinois ensemble où tu illustrais de gravures de souches, de troncs d'arbres et de branches une phrase unique que j'avais écrite. Et puis, on avait eu le projet d'une sorte de panorama de gravures autour du pradier à l'époque où la rivière avait débordé et cernait la maison. Et je devais illustrer chaque gravure par un vers d'un sonnet que tu m'avais demandé d'écrire. Alors, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit un sonnet. Cliché. Croisé. D'une araignée les trames en écran. Un banc de buis. Plus haut la conjonction des ormes. tronc cornu en écailles quadrillant le plan d'eau, un nain à rocaria, un frêne fort. Grands élagués mauves au sommet du versant, échappés d'herbes à la neige du pays, asperges de gui portées par l'invisible étau, des points de cornets glauques à la fourche roussie. Le cadastre d'hiver strie l'espace coulé, rayon de satin mat rebroussant la prairie, un tri épisodique ride le cuir embué. Cercle houleux de vases et libons modelés, pluie filasse ses orbans de la mare, la norme, vitreuse, l'eau stagne où lire en reflet le pradier. Transformation de la Révolution. Collection 10-18. Chapitre 8. Que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent. Le vrai et le faux en art et en science est une question qui doit être résolue par la libre discussion dans les milieux artistiques et scientifiques, par la pratique de l'art et de la science, et non par des méthodes simplistes. Pour déterminer ce qui est juste et ce qui est erroné, l'épreuve du temps est souvent nécessaire. Au cours de l'histoire, ce qui est nouveau et juste n'est souvent pas reconnu par la majorité des hommes au moment de son apparition et ne peut se développer que dans la lutte à travers des vicissitudes. Il arrive souvent qu'au début, ce qui est juste et bon ne soit pas reconnu pour une fleur odorante, mais considéré comme une herbe vénéneuse. En leur temps, la théorie de Copernic sur le système solaire et la théorie de l'évolution de Darwin furent considérées comme erronées et elles ne s'imposèrent qu'après une lutte âpre et difficile. Pierre Guyotat, Éden, Éden, Éden, extrait. Les soldats casqués, jambes ouvertes, foules, muscles retenus, les nouveau-nés emmaillotés dans les châles écarlates, violets. Les bébés roulent hors des bras des femmes accroupies sur les tôles mitraillées des GMC. Le chauffeur repousse avec son poing libre une chèvre projetée dans la cabine. Au col Fercousse, une section du RIMA traverse la piste. Les soldats sautent hors des camions. Ceux du RIMA se couchent sur la caillasse, la tête appuyée contre les pneus criblés de silex. D'épines, dénudent le haut de leur corps, ombragés par le garde-boue, les femmes bercent les bébés contre leurs seins, le mouvement de bercer remue, renforcé par la sueur de l'incendie, les parfums dont leurs haillons, leurs poils, leur chair sont imprégnés, huile, girofle, henné, beurre, indigo, soufre d'antimoine, au bas du Fercousse, sur les porons chargés de cèdres calcinés, orge, blé, ruchers, thon, buvette, école, gâte douce, figuier, mechta, muret, tapissé d'écoulements de cervelle, vergers rubescents, palmiers dilatés par le feu éclatent. Fleurs, pollen, épis, brins, papiers, étoffes maculées de lait, de merde, de sang, écorce, plumes, soulevées, ondules, rejetées de brasier à brasier par le vent qui arrache le feu de terre. Les soldats accroupis se redressent, hument les pans de la bâche, appuient leurs joues marquées des pleurs séchées contre les ridelles surchauffées, frottent leur sexe aux pneus empoussiérés. Creusant leurs joues, salissent sur le bois peint, ceux des camions descendus dans un guet sec, coupent des lauriers roses, le lait des tiges se mêle sur les lames de leurs couteaux, au sang des adolescents éventrés par eux contre la paroi centrale de la carrière d'Onyx. Les soldats taillent, arrachent les plans, les déracinent avec leurs souilles écloutées. D'autres shootent, déhanchés. Excréments de chameaux, grenades, charognes, d'aigles. Ceux du RIMA escaladent les marchepieds des camions, se jettent sur les femmes, tout armés, leur sexe surtendu et éperonne, les lambeaux violets que les femmes resserrent au creux de leurs cuisses. Le soldat, sa poitrine écrasant le bébé accolé au sein, écarte les cheveux que la femme a répandus sur ses yeux, caresse le front de la femme avec ses doigts poudrés de poussière d'onyx. L'orgasme fait jaillir de sa bouche un jet de salive qui mouille le crâne beurré du bébé. Des gangas bleus jaillissent dessous les pieds nus du berger, dans l'odeur des abcès creusés au silex, tournoient bec, bec vibrant. Leur nid provisoire palpite sous la hebe. Le duvet chargé d'eau de leur ventre frôle les jarrets du berger. Le sable se mêle de la térite, rose au ras du feu. Loin, le ressac herbacé, jaune, mousse. Épaisse de chameaux blancs, mâles, femelles au flanc violet tapissé des déjections humaines. Auprès, sous un abri de peau montée sur deux perches d'épineux, une femme jeune, l'épiderme ocre mauve, serrée dans un tissu violet dont le feu boit le restant de parfum, dort son bébé assoupi dans le creux de son aisselle, nu. Sa chevelure décapuchonnée, mêlée, grasse, bleue au sable, elle respire en sa robe renforcée sur les seins, de rectangles de toile de sac cousue au poil de chèvre noir. En arrière, les deux chameaux, cinq chèvres noires, broutent. Sur la peau, un singe, svelte, noir bleuté, fourré blanc à la gorge, aux pattes, au cul. Ronge un pied de facochère sorti du sable. Le cuir lui chauffe le cul. La vapeur de sueur baigne le corps replié de la femme. Sa main tient contre le flanc du bébé une bouteille de graisse blanche bouchonnée d'herbe verte. Une bave nacrée vibre à la commissure des lèvres du bébé. Le nomade marche à l'écart. Le berger tient les rênes du chameau. Son intestin chargé de foutre, d'écailles, de griffes, boue. Il le presse avec son poing. La tête du nomade, ballottée, se retourne sur lui. Les joues gardent le sucre dans leur fond sec. Denis Roche, éloge de la véhémence. Y apercevoir vaguement, after the dove, simple light, après la barbe des choses, à dire tout bas, donc tout le tas, firstad, dose pourrie, cri de poitrine de cheville, tu es rongé pile vide, trié dans tout ce qui est rejeté par la mer qui t'a décomposé, phrase. Le dessin représente une grande silhouette d'homme nu. De femme nue. C'est comme à Pêche-Merle ce matin, mon vieux. De femme nue, ça c'est un sexe fendu. On recommence. Phrase par phrase. Par phrase devant moi, mode mineuse et pureté, pourrait-on dire. Fil, fal, filas. Et que pourrait-on dire d'autre qui soit aussi vite que toutes les impossibilités, ou le prêt de prière qui sont tous entre nous bègues et hideux, hideuses, glycines au forum de sales trous manqués qui nous occupent. Ici, une grande figure de femme nue, jambes écartées, à droite, visage de profil, œil d'oiseau, noir, juste dans l'angle. La bouche grande ouverte, un trait rouge parfaitement horizontal en haut et un angle rouge en bas à droite dont il faudra se souvenir parce qu'il passe encore, en dessous. Manège, il passe de l'autre côté de la page. De ton concourant air plus que parole, plus que nature, accidentel, corps châtié qui s'envole, s'envole. Grand corps de femme, sans vendeur des plages. Rouge les bras. Écarté en V, rouge le torse, rouge. Les seins ne sont pas rouges. Comme si c'était un arlequin membré avec ses carreaux. Le sexe non plus est blanc. Sans ce côté-ci de la vérité, on peut même penser Toi, nous abandonnerons du texte, de ce que tu cites toujours les coupons jaunes gagnés sur nos mariages. Blé, blé, blanc, pluriel. Une série de têtes à droite. Jaune paille. En bas, une petite tête dans un triangle noir. Les yeux bleus qui te déshabillent trop vite pour que j'aie le temps d'entrevoir l'apaisement de tes membres roses, épaissis, sales. Yeux bleus. Alors tout ce dessin passe par le pli de la feuille, par le pli, tourne, on en voit la suite, voilà la suite de la bande rouge. De ce de la vérité. Et alors là, il y a encore les personnages. Le rêve répugnant de l'eau fétide, du canapé, du pré mal repris, des ennuyeux couloirs, de l'obscénité qui nous occupe. Aussi bien pliés en deux, cavalés l'un et l'autre par deux bouches suceuses, rouges, pendant que nous suions en nous tenant dos à dos toute notre longueur. Un couple accroupi. C'est pas un couple, c'est une femme nue. Une seule femme. Éloge de la véhémence. Éloge de la véhémence, d'irrationnel, perturbant, périne, non, nana, anturelle, qui gît définitivement défigurée dans son rire de non victime du grand vide de l'abondance enroulée méthodiquement autour du sapin moderne. Je m'en fous encore une fois éperdument comme de tout ce qui nous sépare là-bas, entre l'eau salée de ta république et les poils mouillés de la mienne. Regarde! Regarde! Oui, oui, garde ça, Martin. Couple accroupi. Femme accroupie. Nue, comme un pêche-merle. Des arbres. La pêche-merle, elles ne sont pas accroupies, elles sont dans une position de bison. Celle-là, elle est complètement accroupie. On tourne la page et on voit une grande tête ovale. Une ellipse. Les yeux du voyeur. Les yeux et les oreilles. Il n'y a ni bouche ni nez. Au premier plan, une silhouette, un bras qui enveloppe l'arrière de la nuit. C'est une image d'un film de Godard, une femme est une femme. C'est une photo. C'est d'après une photo. C'est une femme vue de dos qui se tient la tête, la nuque avec la main gauche et qui, relevant son bras gauche, dénude son sein, comme dans un tableau de Hingre. Atmosphère lunaire. Sur l'autre page, un grand corps de femme nue rouge. Et toujours les yeux du voyeur, mais en haut cette fois-ci. L'un minuscule, l'autre un gros point noir. Et là, au milieu, il y a le texte. Faire aller et venir la véhémence, fleur de conduite. Entre allant et venant, voici la locomotive bedonnante. De mon allure, l'héroïne abusive de mon coma, donc notre petite, tout naturellement, se saluant. L'avarie nocturne, naturellement, ça voudrait bien dire chose, en vous en s'en allant, s'étouffe, enflant ton ventre jusqu'à l'oural des colonnes montantes, chauffées, recueillies de verre, aveuglément, monsieur râle, te finissant, finir. On buvant, fatigue, mon discours fable étant des trois lignes suivantes, je ne retiens que les mouettes de pu charbonnant. Du dessin du haut de la feuille, un trait d'oreille va se précipiter dans la page suivante pour terminer l'oreille qui se disperse par une série de flèches pulvérisées dans la surface noire du haut de la feuille suivante. En bas, l'auricule est rouge. Et là, une sorte de vitrail. Une étreinte, des lignes obliques, parallèles, zébrant deux corps, comme en ogive. Il s'agit de deux corps violemment enlacés, manifestement en train de faire l'amour. La jambe de l'homme, la jambe gauche de l'homme se propulse violemment entre les cuisses ouvertes de la femme à droite, qui, comme accroché sur l'homme, l'homme tient serré contre lui la femme, la tenant et l'appuyant sur son sexe par les fesses. Les deux bouches sont l'une à l'autre, on aperçoit un sein de la femme, toute la surface du dessin est pointillée et des raies violemment tout la plus grande partie du dessin, en particulier toute la surface génitale. Alors ça permet d'avoir à droite une page très violemment délimitée, défigurée d'une grande carte blanche, avec le texte à hauteur du nombril, avec nous, dans le courant, qui emmène vers l'île. Qu'est-ce que tout cela finira par vouloir dire une fois que l'origine, l'entente, la destruction de notre joie à nous aimer sera muée, elle, pilée, mention. Où cette pile, ce pont que je regarde depuis la terrasse, où je mets habituellement la richesse de compte, avant de frapper à lui, gant, trésor, enjoint d'avoir à nous regarder pour la dernière fois. Je veux dire, donc... Donc, mes farces, malgré la vitesse, se détériorent, comme ta lettre me faisait tout à l'heure, comme une petite balle d'avoine issue de celle qui tire si adroitement par le travers de mon torse, que la douleur entre à pas compter. Compter 10 000, je suis loin. Et elle... Texte, Denis Roche, sérigraphie, Bernard Dufour. Maquette de fabrication, Bernard Dufour. Typographie Univers 55 Cordouze. Papier 7 licornes, 125 grammes, Argemarie, Paris. Report sur écran, par fossile, c'est Paris. Atelier, Arcaille, fermoir en rissant, sac en polyéthylène. Femmes absolument énormes, avec des seins énormes, de très gros ventres. Mais oui, mais... Et là, elles sont toujours en position penchée, en avant, un peu comme des animaux, c'est simplement qu'ils ne faisaient pas l'amour comme nous. Non, mais attendez, il y a deux dessins, là. Le plus grand. Alors, le plus grand, c'est un mammouth. Hein. Ah, là, bon, alors, c'est voilà, ça que j'essayais... C'est trop recourbé. Voilà, voilà, ça, c'est le mammouth. Ouais. Mmh. Bon, et la femme est en dessous. En dessous, est... voilà, là. La femme est dessous. Et le mammouth, avec une tête complètement filiforme, très gros seins. Énorme derrière, les jambes sont oui, mais vous appelez ça une femme, en fait, c'est une figuration féminine, mais ça peut être un animal. Ça n'est pas une représentation à proprement parler. Ce n'est pas réaliste. Tenez, regardez cette petite figure, elle est extraordinaire. Tout passé en revue et maltraité par maladresse, ignorance, déformation, citation, etc. Tout démonter, comme Charlot au Roger, c'est-à-dire rendre inutilisable l'objet volé, effacé par tradition. Par exemple, utiliser les ponctuations rouges et bleues, les peintures paléolithiques, n'y voir que leur fonction plastique, qui est renforcement du pouvoir coloré, s'approprier un système et utiliser sans vergogne à l'échafaudage d'un autre ensemble de systèmes, de moyens, de pratiques. constituait ainsi un dictionnaire de pratique pictoscripturale. Et puis on peut dire que la figure qui est le plus à gauche, eh bien, c'est entre cette figure et celle-ci. Oui. Vous voyez ? Et ça apparaît aussi, ça peut aussi apparaître comme une femme. Et puis alors on a celle-ci qui est encore l'intermédiaire. Comment il y a une série de métamorphoses, là ? Oui. Ah, c'est très curieux, comme panneau. Mais le trait c'est... qui entoure le bison, là-haut. Le traîneau ? Oui, il y a un grand trait noir qui est là. Là, voilà. C'est un cadre. Non, sans doute être une c'est figure. Un signe, quoi. Et il y a un autre trait noir là. C'est ça. Dans les qui se continue là par là. Ouais. Dans les points. Alors les rayures là, est-ce que c'est le rocher a été abîmé ou c'est rayé ou c'est une formation naturelle? Ça a été fait à une certaine époque parce que. Une grande femme nue. Elle est à genoux. Mais sa posture est incompréhensible. C'est autre chose là-dessous. En porte-à-faux. Tu vois, Denis, c'est peut-être aussi le fameux système des. Les bras des relevés en cercle comme le diable au-dessus de la tête. Faut se méfier de ce genre de truc. Oui, mais là, c'est l'œil sur le buvard. L'œil dans le buvard rose. Le rose de l'œil, le rose du buvard. Je vois la rose dans l'œil. Je vois l'œil de la rose humide. Tu vois ce qui est étonnant aussi, son cul de rose, mon œil et la rose humide. Imagine que tout ça serait complètement peint en ocre rouge, la comme rose les grottes cul. Abris à Laugerie Basse, etc., qui étaient elles complètement couvertes, ça serait complètement différent. Là, les points donnent une espèce de violence, de force, d'impact extraordinaire. Et la main, ah oui, elle est là. Ah oui, là, au-dessus des points. Oui, le point. Mais pour bien la voir, il faut reculer un petit peu. Ah, là, je suis... voilà, vous avez encore la même ressource que le sujet de la pointe. Ils sont très minces, ils sont très estompés. Ils sont là. Ils font comme des espèces de ronds avec un point au milieu. C'est la disposition de l'organisation. Obscène, obscène, obscène. Tristana à son balcon nu, jambes coupées. Le garçon saisi recule. Il s'abrite sous les feuillages. Lierre. La nature, pour s'y masturber. Scène. Ce qui est montré comme sur scène. La scène, le balcon, seul visible, la tête. Les yeux, la bouche, les oreilles. Le regard de Tristana. Caché, manque une jambe. Le regard du garçon, l'obscénité dans les regards. Et le sourire de Tristana et la tension du garçon. Sur une feuille blanche, on peut écrire et dessiner ce qu'il y a de plus nouveau et de plus beau. Oh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la grève de la faim. Rouleau horizontal long de 9,50 m sur 65 cm en 3 segments. Tirage réalisé pour la fête de la liberté à la mutualité en février 1971. Tirage aux alides en noir et sanguine. Dessin en frise continue de Bernard Dufour. Poème de Bernard Tessèdre calligraphié en lettres à 7 sur le dessin par l'auteur. D'une femme accroupie, les deux pieds, les deux fesses. Le trait est très gras, très épais, à la plume. Sur la fesse, enfin sur les fesses, il y a des striures. Couture, zo, couteau. Un peu plus bas, à droite, une femme de face, les jambes écartées, les deux bras écartés aussi et repliés sur les cuisses. Elle est en train de pister, c'est rendu très vertical, qui est perpendiculaire au sexe. Des poumons, le trait est descend très, très fin. Vers il est la boue, de suce l'œil par l'envers. Le visage de la femme sur le visage de la au femme. Au sein. Il y a aussi, tout le corps est couvert de petits traits, de points. Elle était si charmue. En descendant plus bas, en dessous de la feuille, il y a un homme à quatre pattes, avec le bras droit tendu vers l'avant, devant la tête. La main est aussi grande que la tête. Tous ses doigts sont écartés. Que ce très bien. Toute la main est hachée aussi de lignes. Le trait est toujours très gras. Derrière la main, donc le visage avec deux oreilles assez proéminentes qui se décollent, des yeux comme de grosses taches, une bouche bien dessinée. Derrière le dos, un point enfin, qui a l'air d'agripper le corps. Tout l'ensemble est couvert de points, de traits, toujours. On voit le. Peut-être un cercle, c'est peut-être le ventre avec un nombril qui est au-dessous de son corps. Et derrière, une espèce de rectangle hachuré. À droite du volatile, un rectangle allongé avec un visage. C'est un cercle. L'intérieur du cœur, aussi, aussi, te calme. Elle est remplie par des petits traits très rapprochés. Et le visage rejoint l'encadrure du rectangle par des cercles concentriques. Enfin, aussi, te calme. Un autre rectangle, peut-être l'encadrement d'une porte, dans laquelle il y a la tête d'un homme, les oreilles décollées, toujours. Et à partir du visage, un trait perpendiculaire qui descend jusqu'au sexe et ses poignets. que la part vibrative, le corps, enfin, l'autre espace du corps est représenté simplement par des lignes parallèles, horizontales, en dessous du rectangle, une femme qu'on aperçoit à peine, le trait est très très fin, juste on dessine à peu près le visage et le dessin, c'est-à-dire deux demi-cercles, une écriture, enfin des écritures obliques, je et moi, mes veines, que ce qu'elles poussent. Et tout à fait en dessous, à côté de la femme qui levait les bras et qu'on apercevait très mal, son propre un visage biffé, une moitié fécore, avec l'autre moitié. Les oreilles décollées toujours. De gros yeux comme des taches. Un nez. Et une bouche. Tout simplement des lignes. Des lignes ondulantes. Le plus haut, dans toute la largeur de la feuille, un corps de femme qui bascule, c'est-à-dire les deux pieds dirigés vers le haut. Elle prend toute la largeur de la feuille. Ses jambes sont écartées. On voit en haut du corps, enfin, donc en bas de la feuille, deux seins, c'est-à-dire deux demi-cercles, toujours, dans un carré. Un carré strié de lignes parallèles, un peu comme des barreaux de prison, ou peut-être comme une fenêtre. Le haut d'un visage. Sans. Représenté, enfin, assez ovale et aplati, avec deux oreilles proéminentes. Sans crache, d'éponge, le bas du des airs farcis. Est barré par une espèce d'échelle cassée, c'est-à-dire deux lignes parallèles et puis des lignes obliques, très grasses. Et en dessous de... Les dégels, cette ligne barrée, tout blanchi. Un fond de yeux. Plein de petits traits, comme des cils, qui forment les cils. Et prolongeant... La photo révéla un arrêt prolongé. L'enclume cerveau pour faire révérence ou catapulte aux images. Et qu'est-ce compter des mots qu'un battement du bec sur tambour rat ou des boulets, un monte-charge de patience. Précisément dessiné, on distingue toutes les phalanges, les lignes de la main qui s'entrecroisent, plein de taches, plein de petits points. Sur le pouce, des numéros qui marquent les phalanges, c'est-à-dire un entouré d'un cercle, un 2, un 3. On voit l'ongle. La main, elle est à plat, on voit la paume, c'est la paume qu'on voit. Sur les doigts, on distingue ce qui représente des empreintes digitales. Et en dessous, à la place du petit doigt, un rectangle. Enfin, la moitié d'un rectangle. Enfin, à l'intérieur du rectangle, c'est peut-être un paysage, des arbres, des rochers, je ne sais pas. Peut-être une ligne de cercle, de pain, de cadrillage. Au-dessus de la main, donc, Mon corps et son propre miroir. Enfin, à droite de cette qui lève les bras, tout à fait. Qui encercle. Ces cuves ont tendance à dissoudre l'indigène. Ce qui nage, c'est que leur naufrage aura mal tourné. On a l'impression de voir des yeux. Peut-être qu'il lève les bras aussi. En dessous, enfin, dessiné de la même manière que la main dont j'ai parlé tout à l'heure, un point très serré, qui a l'air assez tendu, violent. En dessous du poing, un rectangle avec une tête biffée. Aussi, des redondants. Des grosses croix qui barrent. Font tout l'intérieur est haché. Avec des traits très épais, la plume. Quand. Font comme une issue. Des grosses oreilles. Des taches. Comme une issue. À côté de son rectangle, un carré. Il y a un buste, une tête, et puis un bras replié sur lui-même. Haché aussi, avec des traits encore beaucoup plus épais que l'autre hachure. Tout en haut, oui, il y a peut-être, c'est ça a l'air d'être un corps c'est de volant, femme. Simulacre. Étendu. Sexe. Je distingue mal. Par frottis. C'est très très léger avec un cisaille. Plume très très fine. Le fou attend son mime. Encore plus à droite, dans un rectangle, une tache, une espèce de grosse tache, au centre de laquelle un espace blanc a permis de mettre deux yeux. Toute la tache est étalée au pinceau, plus ou moins inégalement, assez inégalement, et toute la surface derrière la tête est quadrillée par des traits plus fins. Le visage est... Ces traits de pinceau prennent une forme assez carrée. Plus bas, le trait est encore... redevient très fin. Il y a un grand carré avec une énorme tête. Une tête qui est... peut-être enfin, un peu spiralée. Une spirale... seront invisibles. Juste, le visage, cette fois-ci, c'est un cercle, enfin deux cercles tension concentriques. De passe. Et des petits points, simplement. On voit les seins, enfin, des petits cercles avec un point au milieu. Et le corps, c'est simplement trois lignes parallèles, très longues. Au-dessus du corps, un autre visage spiralé, mais là au sol, c'est-à-dire sans encadrement, et deux grandes oreilles qui se distinguent du visage, enfin, qui partent du visage, les grands yeux. Car nul ne sait si c'est la langue ou l'os, quand la tête fait eau de toutes ses fentes. Après les événements de 1870, la rentrée au salon fut formidable, comme nombre. Soldats haineux de leur défaite vis-à-vis de la Prusse, fiers de leurs ignobles représailles envers la Commune. Le grand Bonnat fut le peintre du petit Thiers, avec sérénité, sans honte. Après Thiers, Mac Mahon, le tueur de cuirassiers, passait la revue au vernissage. « Saluez, peintre français, voilà votre chef qui vous crie, garde à vous, en avant, marche !» Et tout le monde emboîtait le pas. Derrière lui, Meissonnier, le colonel de la garde nationale, criait aussi « En avant-marche !» Meissonnier, le peintre de ces hordes de fer où tout était en fer sauf les cuirasses. Tout le monde s'en mêlait. L'État, d'une part, avec tout son faux luxe, ses décorations et ses achats. Le rêve de la simèse. D'autre part, la presse et la haute banque. La spéculation. Puis aussi le grand nombre des artistes et les influences de femmes. N'est pas Maquereau qui veut. Gauguin, Racontard de Rapin. Gauguin racontait déjà dans Racontard d'un Rapin la constitution par Thiers d'un groupe de peintres protégés par la garde républicaine. Alors maintenant, les choses se poursuivent, mais sont beaucoup aggravées parce qu'à Tours, confiscation des tableaux de Jean-Pierre Fabre, destruction par le feu des tableaux de René Claude, Le Monde 23-2-72, et récemment, 37 tableaux confisqués de Jean Moulin. Le 38e est rendu à Jean Moulin après mutilation, Le Monde 19-4-72. Alors c'est une juste réponse que l'on colle des portraits d'Auvernais sur les pièces de Jean-Pierre Reynaud. Parce que partout, c'est l'interdiction. Et l'interdiction, c'est aussi la littérature qui est interdite. En somme, on peut dire que l'interdiction est à l'ordre du jour. C'est même un ordre du jour. C'est un ordre du jour courant. Par exemple, quand Pierre Boyata s'en rallie, c'est interdit très rapidement. Et en même temps, ça n'est pas un hasard non plus si on peut répondre en publiant un livre qui s'appelle « Littérature interdite ». Donc Pierre Guyotta vous lit un extrait. Donc un extrait signale pourquoi une telle littérature profondément est interdite. Page 136, en rapport avec une séquence d'un des entretiens du livre. Alors voilà le texte. La lecture de ces feuillets, dont l'écriture exigeait en priorité l'emploi du crayon bille bleu, rapidité du traçage et couleur de l'écrit de masse, addition, billets de tout genre, mais le stylo à plume, néanmoins, pouvait, par la stabilité de son appui sur le feuillet pressé sous ma paume, compenser pour la régularité du traçage, l'ébranlement, l'effort de l'autre main, la branleuse, puis de l'avant-bras, au fur et à mesure des giclées, des orgasmes, l'ultime répercutant une crispation souvent douloureuse jusque dans mon crâne pressurisé, dolicocéphalisé, au haut d'un corps tout en suée, baignant dans son milieu roué, dans le dépôt des giclées successives et d'inégale concentration, sec stylo roulant sur la cuisse, sur le feuillet. Cette lecture, flagrante, aura pour objet principal, effet principal, de désigner le soubassement réellement obscène de Eden, Eden, Eden, de redresser devant les yeux qui se dérobent, se voilent dans la nausée, les termes de la séquence prostitutionnelle, mâle, attelages englués, archaïques, termes trop souvent éclipsés et subis, épreuve par le sang, le foutre, la vomissure, à la chrétienne, en attente horrifiée mais confiante de la grande séquence finale, le clitoris saint graal de la sexualité. Oui, une prostitution mâle et manuelle, non pas l'amour mâle ou la riche prostitution mâle entre non manuels. Celle femelle, ce n'est pas le moment d'en écrire ici l'attrait, somme toute trop illimitée, occupe en force depuis toujours la moitié de mon système mental. L'autre moitié, c'est le communisme qui l'étreint. En d'autres termes, tout ce que je vois, entends, flaire, palpe, absorbe, ne sert d'une part qu'à façonner, habiller, déshabiller, vocaliser, oindre, alimenter, exproprier, bestialiser, louer moins cher davantage de chair, le put éternel. Et d'autre part, simultanément, qu'à relever jusqu'à l'ère de la plus exhaustive libération politique, l'opprimé, éternel, comprenne qui pourra. Texte écrit dans la salle de garde du comité central du PCF dans la nuit du 21-22-10-71. Alors Denis, est-ce que tu crois que cette rupture se produit aussi au niveau de la poésie ? Et comment ? Oui, parce que je crois que la poésie, c'est vraiment c'est le dernier tabou dont est responsable l'humanisme aujourd'hui. C'est vraiment le dernier auquel on a pas le droit de s'attaquer. C'est là le dernier récif. Alors, il est évident qu'à partir du moment où, alors qu'on parle de poésie, alors qu'on a soi-même l'étiquette de poème, alors qu'on met soi-même sur une couverture de livre poème, on n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses. Et quand Pierre Guyotat parle du foutre ou de la branleuse, il est manifeste que le foutre et la branleuse au niveau de la poésie, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de dévoiler toutes les racines que jusqu'à présent on attribue à un inconscient tout à fait virginal, avec ressenti et innocent. C'est de dévoiler tout l'inconscient du foot qui est au niveau de l'élaboration d'un texte de recherche. Parce que la poésie, qu'est-ce que c'est ? C'est un stade ultime du travail sur le langage. Par conséquent, il est indispensable, à partir d'aujourd'hui, que lorsqu'on travaille sur de la poésie, lorsqu'on publie de la poésie, on mette en évidence toutes les racines scandaleuses de ce travail sur la langue, c'est-à-dire lever toutes les ambiguïtés au niveau de la famille, du clan, de la politique, de la société, du sexe, parce que tout ça est lié par le sexe, dès qu'on va élaborer ce travail. Et tout travail poétique qui aujourd'hui ne met pas en demeure le poète de s'expliquer sur ce terrain est à mon sens ridiculisé d'avance. C'est ce que nous avons tenté de faire dans le petit livre que nous avons fait en commun, L'éloge de la véhémence. Cet éloge de la véhémence, le texte va en être repris dans le mécrit. Philippe Solers, tu viens d'écrire une préface à ce texte. Est-ce que tu veux le lire? Alors pour Denis Roche, l'aéropagite. L'admissible n'est pas poétique. D'ailleurs, il existe juste assez pour nous relancer. Pas question de s'en débarrasser en remettant les instruments à leur place. Piano, piano. Supposez que vous plaquiez la métaphysique. Supposez que vous reveniez à l'inverse de la pesanteur. Quelles expressions partout de Pierrot Lunaire occupées à piocher le temps, à renforcer tout compte fait la famille, bicyclette, huilée, poétiquement. Ça fait pourtant des années qu'il remue le roche, et bien entendu, ceux qui devaient s'en apercevoir s'en sont aperçus, non, sans essayer d'escamoter le virage de ce courant vert nuage préhistorique. Alors passez-moi le substitut, je te fais des sonnets en long et en large, je te noie le tout dans le vieux bassin insublime. Lisez plutôt machin, c'est la même chose, oui, oui, en plus poétique. C'est en somme ce qu'on a pu lire dans les journaux, voire sous la plume, car ils sont encore monoplumes, demain professeur. Lui, imperturbable, continuant son trafic. Du coup, les camarades poètes auraient tendance à la trouver mauvaise, car premièrement, ils bouffent trop. Deuxièmement, ils sont toujours platement lubriques. Troisièmement, ils tiennent absolument sourds clochards à la carte à vous refiler leurs exemplaires annotés d'Hermès Trismégiste, de Jean Blic, Phocius, Empédocle, Anaxagore, Héraclite, que sais-je. Ah, les fiancés occultes, ils y croient, sacrément. Et donc de considérer méchamment ce bloc vif ici-bas chute à désastre pas du tout obscur. Cet énergumène gentil, mais au fond enragé par des siècles de « boucle là où je te fais le coup du poète ». Le coup du poète se joue en plusieurs temps. Vous prenez un bébé particulièrement alléché. Sa mère doit immédiatement jouer de la prunelle à Jocaste, indiquer papa comme sombre miteux, pardonner en douce les difficultés à l'école, mettre un bon Rimbaud sous l'oreiller de son fils. « Écris-moi un Sodome, dit-elle d'une voix chaude, mouillante, qu'il ne pourra plus jamais oublier sans trembler. » Peu à peu, le poète grandit. À 12 ans, il étonne déjà les docteurs. Il sent déjà le bon Lucifer converti. Branchez-lui un peu l'Orient pendant qu'il se rase, une pincée d'herbe, un petit voyage en pastille, et, avec sa tartine beurrée à la confiture qu'il mange immanquablement sur fond d'incens vaste et masturbatoire qui n'en finira jamais, hop, se dressant sur son anus éduqué, voilà le poème. Reste plus qu'à mettre en plaquette et à confronter à différentes peintures, fenêtres pour dire que tout ça pourrait être visible, que ça m'étonnerait pas. Reste plus qu'à attendre les thèses, que le philosophe s'y reprenne dans sa plus-value. La philosophie et la poésie sont deux montagnes que Yukong ferait bien de déplacer de temps en temps, mais à part Mao à cheval, là-bas, ça sent chez nous plutôt la perruque, le graillon pataphysique genre copain avec mots croisés, jeu de mots débiles, c'est-à-dire encore une fois la Bible sous moumoute, tout court. D'ailleurs, il n'y a pas à choisir, c'est comme ça. Religion, rigolade, ou alors l'asile. À l'asile, on électrisera un peu le poète. On essaiera de le rééduquer en lui faisant faire quelques traductions. On le laissera embrasser sur la joue la femme du médecin-chef, on lui donnera des crayons de couleur, on lui permettra de mettre seulement une fois par jour ses boules-quies dans les oreilles, et d'aller un peu dessiner dans le couloir en lui piquant évidemment les manuscrits, on ne sait jamais par les temps qui courent. Si le poète n'a pas de sœur, si sa vieille maman ne lui survit pas, le père n'est pas utilisable, on n'a jamais vu papa réclamer les alexandrins de son fils. Si sa veuve est trop molle, nymphomane, frivole, on lui commettra d'office l'infirmière, voire même la psychanalyste, on peut moderniser tout ça, ou la tante spontanée, qui sera à la fois son père, sa mère, sa sœur, son frère, son fils, sa fille, son parrain, sa marraine, et bien entendu lui-même. Si la dérision n'a pas pris, dites « C'était terriblement sérieux l'histoire du poète, plein d'un absolu qu'il a transpiré pour nous, mais qu'on peut déplier avec le temps, c'est normal. » Cœur des herméneutes. Voyez, voyez, comment il passait à travers les éléments, à droite le coucher de soleil intérieur, à gauche sa contraception du temps, devant vous son vertige inné de l'espace, du rythme. Vous trouverez dans la pochette au-dessus de votre fauteuil le plan complet de ses lectures d'Adore, ésotérisme compris. Le tout très modique, réduction sur présentation au vigile de la carte d'étudiant ou d'un certificat médical. Ici, le compteur métrique, là, le classeur de syllabes, plus loin, les divers anagrammes replacés par ordre alphabétique, avec liste abrégée de son curieux système polythéiste. Plus loin encore, quelques photos de femmes. Ah, mes loulous, quand vous serez aimés comme le poète. Série pour initiés stricts. Le poète au travail. Coït par devant, par derrière, d'une main, des deux mains, accroupi, couché. Les amis du poète, leurs confidences, leurs lettres, leurs impressions lors de ses premières dépressions. Leur version du suicide. Ici, sous vos yeux, son fameux message théorique dit du voyant. Là, un billet plutôt froid mais émouvant à sa mère qui jusqu'au bout est restée très digne. Là, son côté marrant comme vous et moi. Là, son testament instituant sa gouvernante comme légatrice et concierge universelle, urbi et orbi. Là encore, son canif préféré. Et tout cela peut durer indéfiniment, tout cela aurait pu ronfler longtemps s'il n'était apparu en français quelques fortes têtes, crachant aérolithiquement le lyrique, délivrant Hölderlin du sinistre Zimmer et de son cousin Heidegger, venant visiter le fou prophétique après le sermon du pasteur toujours vérifié, cela va sans dire. On les retrouve tous égorgés dans l'atelier psychiatrique, ligotés les uns aux autres, quel affreux massacre, Dr X, Madame Verdurin, Jung, Isambard, la marquise d'Aragon, le président Monrecueil. Même le philosophe maintenant est dans le coup, commence à s'amuser avec nos machines désirantes, découvre nos flux, jette son filet plein de pêches miraculeuses. Quel matin! Comme dit Pound, les racines descendent vers le bord de la rivière et la cité cachée monte vers l'ivoire blanc sous les abois. L'éditeur, qui a déjà refusé en leur temps de publier Joyce, Artaud, Beckett, les Cantos, Burroughs, quelques autres, ne se demande même plus s'il n'a pas fait une erreur. De toute façon, il est trop tard pour consulter l'humaniste. La page s'aère, le curé s'enroue. « Cure aigu, » dit le nouvel habitant de la diagonale. Jude. « What is the matter with you ?»« Mutt. » I became a stunner. Les lettres deviennent élastiques. L'opérateur souffle les bougies du gâteau d'anniversaire. Que projette l'aéropagite ? Je plie, dit-il, comme l'inconscience du temps. Il va sans dire qu'à ce rythme, il finit bien par se passer quelque chose. Ici, un peu de balbutiement, ça met du baume au cœur. On sent le ruban excité. Saint-Just, un peu décollé de l'ensemble, déclare. La politique avait compté sur cette idée que personne n'oserait attaquer des hommes célèbres environnés d'une grande illusion. J'ai laissé derrière moi toutes ces faiblesses. Je n'ai vu que la vérité, et je l'ai dite. Quel ennui pendant ces deux siècles dans ces régions tempérées avec retour d'éthique par myriades. Quelle rouille sur cette guillotine transformée en couteau à pâtisserie. Quelle sécheresse de gestes. Voudriez-vous dévider, s'il vous plaît, de l'infini indiscutable ? Ah, dit le flic en code civil, ils font régner la terreur. Écoutez ce que j'ai surpris dans la rue. Pour l'amour du Dieu qui bande, mon trésor, séparons-nous, tournesol conclu. On ne peut même plus sortir avec légitime. Ils sont partout. Ils piétinent leur grand-mère dans les bois. Ça glisse, l'escalier s'envole, j'en ai vu un sur la rampe. Un autre dans les chiottes avec un manuel de chinois. Ils salopent le romantisme. On ne peut même plus les citer. Ils prétendent que les grands mots ne s'enfoncent pas dans de l'eau de mer, même si on le désire. Ils affirment que trois lignes de texte peuvent entasser toute joie. Le commissaire a saisi cette proposition au téléphone. Mais il y a quelque chose de simplement mal digéré dans le surréalisme, et c'est seulement dans un moment peu important de sa digestion. On dit que certains se réfèrent de plus en plus ouvertement à la lutte des classes, et pourtant nous avions acheté toute la panoplie à la Bibliothèque nationale. Nom de nom, papa, explique-nous ça. Et dire que la biologie pourrait tout résoudre. Les voilà, encore, distribuant des tracts, suggérant qu'un texte ne deviendrait bon qu'au moment où il ne correspondrait plus au bon côté. J'en ai vu un, vendre ses fabres d'olivier reliés sur les quais. Non sans avoir écrit sur la page de garde, d'un coup de phrase tout est pardonné, de même que je peux vous tuer d'un coup de six phrases assénées. « Vous vous moquez des dieux, lui ai-je dit, menaçant. »« Les dieux aiment qu'on les plaisante, m'a-t-il répondu distrait. »« Sans quoi ce ne sont pas des dieux, tout au plus des lois du milieu. »« Donc, pas celles qui nous intéressent. »« Regarde-moi bien dans les yeux, pâté de despote. »« Je ne suis même pas un corps sans organes. »« La poussière te parle à travers ma voix. »« Tu mets une minuscule à Dieu, tu laisses une majuscule au nom propre. » »« Symptôme accablant. » »« L'homme entré dans le poisson fait les 100 pas d'une colline à l'autre » et cherche le sens des mots que la glace a séparés les uns des autres dans le sens d'une retraite possible. Allez vous recoucher dans votre lit cave, ne nous parlez plus de votre primaire. Nous nageons maintenant dans une rivière jaune qui n'a pas le temps de se dérouler. Votre vie encombrante grignote un plafond. Nous aimons l'étonnant genou des vies courtes. Notre marbre surgit, soutire tout à la laine. Nous rejetons ces individuelles prétentions à l'apostrophe finale, hommage, au mangeant chaman. Il n'y a pas d'équivalent comptant. Je suis le triomphe, je suis le jeune assassin du silo, le composé du carrefour. Voilà où nous en sommes, messieurs. Je n'ai plus rien à comprendre. Ils emploient même le mot tapioca. Merde. mais c'est qu'il s'est tiré l'animal. Mao Tse-Tung, sur la littérature et l'art. Édition en langues étrangères, Pékin. L'étude, octobre 1938. Il faut en finir avec le style stéréotypé étranger, passer moins de temps en bavardage creux sur des notions abstraites et mettre le dogmatisme au rencard pour faire place à un air et à un style chinois plein de fraîcheur et de vie qui plaisent à l'oreille et à la vue des simples gens de chez nous. Séparer le contenu internationaliste de la forme nationale, c'est le propre des gens qui n'entendent rien à l'internationalisme. Quant à nous, nous devons les lier étroitement l'un à l'autre. Alors les pastilles rouges, Bernard. Alors les pastilles rouges. Alors. Alors. Alors. Que penses-tu des pastilles rouges? C'est moi, je les vois uniquement sous un aspect complètement plastique et absolument pas. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. De toute façon, c'est absolument impossible de dire ce que c'est, à quoi ça correspond, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure à Martin. C'est beaucoup plus violent que si tout était peint en rouge. Un Rothko ponctuel. Dans leur rond, des têtes, des visages, un homme, ça a été soufflé. Tu sais, c'est soufflé, deux hommes, alors il y a une concentration au centre, trois hommes, pas de femmes ici, mais peut-être en haut du dessin d'origine. Tandis qu'ici, c'est soufflé avec une charbatienne, on voit bien. Ceci que je vois comme femme. Pourquoi soufflait-il ça avec une charbatienne ? On est loin de l'entrée normale de la grotte, ici. C'est le 100 et quelques mètres. Et alors, le poisson qui est dessous, la fameuse truite ? Alors, non, c'est un brochet. Le brochet, c'est oui. Ça, oui. Il a été ajouté beaucoup plus tard, semble-t-il. Là, mais il est dessus, puisque... Il a été gravé d'un coup de silex et que le coup de silex a enlevé le noir de l'encolure du cheval. Donc il est par-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer que sous les trois ponctuations et la main, la paroi s'est effritée, qu'il y avait quelque chose dessus? Il y a une cristallisation par-dessus. Dire qu'il y a quelque chose, ça c'est difficile. Notre chance extraordinaire est que nous soyons que dans l'histoire, nous ayons par hasard cette place privilégiée d'être au début d'une civilisation. Donc, d'une vision à inventer comme tout le reste, quatre fois sans référence. Un alignement, des espèces d'anneaux. Tu vois, c'est exactement ce que tu dis, Denis. Des pans entiers de sens échappent. Tout à fait en haut du tableau, une bande noire, à gauche, à droite, une bande blanche. Dans la bande noire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points rouges. Dans la bande blanche, 6 points rouges. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 points noirs. Entre la bande noire et la bande blanche, une barre rouge. En dessous, une grande bande grise. Dans cette bande grise, trois têtes. De gauche à droite, une tête renversée de face, une tête d'homme. Elle est renversée. À côté, une tête de profil. Tête d'homme, mais tête d'homme chien, tête d'homme oiseau. Complètement de profil. Le trait est en ombre. Ombre claire, ombre brûlée. Tout à fait à droite, dans cette bande, dans cette grande bande grise, une tête homme, tête masque, très dessinée, très géométrique, assez colorée, des taches d'ocre, ocre, des points rouges dans la zone d'ouverture de l'œil, un trait rouge en bas du crâne, La tête est également renversée. Cette bande grise, avec la bande supérieure, 50 cm à peu près de hauteur. Le reste du tableau, 1 mètre, 1 mètre 50, est occupé par une grande surface blanche. La couleur est dominante blanche. Et dans ce dessin, dans ce blanc, un grand dessin, deux femmes, très noires. Et en bas, tout à fait en bas à gauche du tableau, une reprise de la tête homme, de la tête masque du haut, de la bande grise à droite. Comme deux échos de cette tête homme, simplement au trait. Un dessin bistre pour la première, un dessin violet pour la seconde. Comme si le violet était l'écho du bistre. Simplement un trait, des traits, dessinant cette tête masque, complètement de profil, dans l'ouverture de ce masque, les yeux, le regard... Qu'est-ce que c'est 71, Martin ? Qu'est-ce qui se passe à ton avis en 71 ? Tu veux dire dans ma vie, dans la vie de Bernard, dans notre vie ou dans la peinture de Bernard ? Dans tout ça. Et dans les événements qui en sont tributaires ou qui les provoquent. Parce qu'il y a des choses qui provoquent d'autres choses. Il y a des événements qui provoquent ce qui va se passer entre Bernard et toi, et il y a des choses entre Bernard et toi qui provoquent des événements. Bah, 71, il y a un fait très très important, c'est le départ de l'installation pratiquement définitive de Bernard au Pradier. Avec la bande de Gassendi, ça a été la rupture avec Paris. Pour moi, ça a été très... Sur le moment, j'ai pas du tout réagi, tant que c'était sur le papier, si tu peux. L'été est arrivé, bon, c'est comme tous les étés, on les passe ensemble, et puis je suis rentrée à Paris en septembre, comme je fais tous les ans. Et là, j'ai commencé à réaliser que c'était la séparation réellement. Et tu as senti ça, comment dire, à la fois intellectuellement et disons passionnellement, est-ce que tu as senti ça comme une démission ? Démission du couple, oui. Et sur le plan passionnel. Intellectuellement, est-ce que tu as senti ça comme une démission chez Bernard ? Oui, absolument. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là à Paris ? 71, fin 71, début 72. C'est-à-dire pendant le temps que Bernard est ici au Pradier. Irrémédiablement, d'une certaine manière. On ne va pas revenir éternellement à 68, mais quand même, on peut partir de là. Si tu veux, là, il me semble que la vie politique n'a fait que s'intensifier dans un certain milieu étudiant que j'avais appris à connaître, moi, l'année précédente en reprenant les études. Et j'avais l'impression, si tu veux, que le départ de Bernard était pas une démission, mais c'était plutôt s'enfermer dans une espèce de tour d'ivoire pour ses problèmes de peinture, pour ses problèmes personnels. Mao Tse-tung, la pauvreté entraîne le désir de changement, de l'action et de la révolution. Sur une feuille blanche, on peut écrire et dessiner ce qu'il y a de plus nouveau et de plus beau. Il y a eu l'assassinat de Pierre Auvernet. Est-ce que Bernard a eu l'impression que ça le concernait alors qu'il était ici? Écoute, ça, je crois qu'il vaudrait mieux... Alors qu'il était ici dans son travail. Il vaut mieux lui poser la question à lui. Oui, mais comment est-ce que toi, tu as ressenti cet impact sur lui? Ben, nous étions séparés de fait. Il était au Pradier, moi j'étais à Paris. Mais au moment de l'enterrement de Pierre Auvernet, Bernard se trouvait à Paris. Et après, vous déménagez. Le Pradier n'existe plus. Et en réalité, c'est à Paris que tout se passe. Le corps, le travail, la politique, le sexe. Oui. ORTF, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, Dufour, au fur et à mesure. Par Bernard Dufour, René Farabet, Claude Ollier. Assisté de Janine Antoine, Janine Groléas, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, René Foissac, Robert Jourda, Nelly Laya. Mas de Pradier, Aveyron, Grotte du Pêche-Merle, Lot, rue Traversière, Paris 12. Avec Michel Buteur, Pierre Guyotta, Denis Roche, Maurice Roche, Philippe Solers, Bernard Tessèdre. Texte lu par Olga Bernal, Martine Dufour, Florence Malzard. Citation. Antonin Artaud, Paul Gauguin, Mao Tse-tung, Jules Michelet, Frédéric Nietzsche. Dufour, au fur et à mesure. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 juin 1972. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.